Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir. Bravo les super-héros, vous êtes bien tous les mêmes. Les super-héros d'Indestar, c'est les PK Avengers, jusqu'à très tard ce soir. Donc les PK Avengers jusqu'à 23h à peu près. Wow. Comme toujours, on va voir. Je pense que les dés sont pipés. C'est vrai qu'en parlant de jeu, les dés pipés, c'était bien vu, Thierry. Non, mais c'est vrai que la règle du jeu du hasard pour les PK Avengers pour 23h, on est. Ça tombe bien, je suis très mauvais au jeu de hasard. Le hasard n'existe pas, je suis bon et c'est vous, on verra. Ça, oui. Donc ce soir, nous allons jouer donc, avec Daniel, Teddy, Thierry et moi, donc Kevin. On va tous s'amuser gagner, un peu. Bébert, tu me donnes les points, Bébert. Ah, Thierry Bébert. Il va me souffler les réponses. Et donc Bébert, la mascotte des PK Avengers. J'ai un premier coup de gueule à passer. Oula. On n'a même pas commencé à jouer que je vais y aller. Vas-y, Teddy. Dans ma publication, ce soir, si vous avez suivi, normalement sur Facebook, si vous nous suivez sur Facebook, si vous ne nous suivez pas, bah faites-le. Je fais des publications, si j'y pense. c'est important le préciser. Si j'y pense. Première erreur, déjà. Première erreur, effectivement. Voilà. Sur les publications PK Avenger pour annoncer, effectivement, le thème de la soirée. Donc là, c'était jeu. Et sur l'image, il y avait un brelan d'as. Un brelan, pas un branleur. Hein. Oui. Ça peut être les deux. Mais après, un branleur peut jouer aussi. Il était peut-être à côté. Effectivement, 3 as, on en devine éventuellement un quatrième, mais on voyait pas. Voilà. Et il y avait un petit chapeau ou quelque chose comme ça, non? Ou c'était une main de quelqu'un? Il y avait des pions, des jetons de poker, et oui, il y avait une main. Mais c'est surtout dans le message que j'ai mis, j'avais mis ouais, il y a un brelan d'as. Ah non, dans PK Avenger, il y a un carré de naze. J'avais écrit de naze. Je nous avais qualifiés de naze. Mais nous ne sommes pas des nazes, nous sommes des as animateurs. Oui, j'ai été censuré. Je ne sais pas de qui est-ce qui a fait cette censure. Est-ce que le coupable est ici? Alors non, parce que je savais même pas qu'il y en avait une avant d'arriver. Tu es disculpé. Ah ouais, moi d'office. On va jouer au Cluedo. Alors, dialogue. D'accord. Mais alors, le chandelier dans la salle à manger. Moi, je vote pour Théo. Je suis sûr que c'est lui qui a censuré. Ah bah oui, c'est un coup. Il nous a censuré. C'est un coup à Théo. On n'a même pas le droit de s'auto-insulter de naze. Ouais. T'as vu ça un peu? Non, c'est dingue. Théo, c'est naze ton coup quand même. Ouais, c'est clair. Alors qu'on voulait prouver pendant l'émission qu'on n'était pas des nazes, et notre effet, il est raté. Mais les nazes, c'est pas les habitants de la ville d'à côté, là, Nazel? Eh ben si, les nazes. Ouais, c'est ça. Ce qui peut être naze aussi, c'est peut-être ton quiz. Les nazéliens. Mon quiz n'est jamais naze. Alors si. C'est pas parce que tu perds que c'est ce que j'allais dire. Vu que je perds, il est forcément naze. Il y a de grandes chances que tu perds dessus. Non, mais c'est vrai, ça va changer. Des fois, je confirme, il est naze, surtout quand je perds, moi. Ouais, mais toi, ça compte pas, toi, Daniel. Donc, Teddy nous a fait un petit quiz sur les jeux. Oui, évidemment, ça va concerner. Alors, les jeux. Pas les jeux Quel type de jeu, ouais. Tous les autres jeux, hein, ça peut être jeux société, jeux de cartes, jeux de pile. On a compris. Jeux de pile, oui. Donc, Thierry, toi, tu nous parlais de jeux pour apprendre l'anglais. Ah oui. Oui, moi j'utilise. Ben moi j'ai toujours été joueur, hein, même dans ma façon d'enseigner, c'est pas. Même d'être d'ailleurs. Ouais. Je joue beaucoup avec les mots. Je suis très spontané, c'est-à-dire que je prépare pas forcément les choses à l'avance, mais des sons on amène d'autres. Je rebondis sans arrêt. Je suis vanne ouverte à volonté. Ouais. C'est vrai que vanne ouverte. Non, puis c'est vrai que j'ai pas envie de prendre. Parce que peut-être j'ai subi ça de prendre, quand j'enseigne, de prendre un livre et on fait un texte, des questions, de la grammaire, et on reprend machin. Non, j'ai envie de rebondir par rapport à ce qui se passe, donc ça veut dire l'actualité, ou comment je sens mes élèves, ou comment je me sens moi aussi, ou alors à un moment j'allume l'ordi, la télé, je sais pas quoi, il y a un truc qui se passe, et je me dis, ah ben ça c'est intéressant, je peux changer mon programme à la dernière minute, y compris arriver en cours, poser ce que j'ai fait, et dire, c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Okay. Ah, et ça j'adore. D'accord. C'est être vivant, je dirais. C'est ça. Donc j'utilise les jeux, c'était pour vous dire ça, et ça, donc c'est cool. J'en ai acheté plein, mais je serais éventuellement capable d'en inventer aussi, comme Théo d'ailleurs à la radio a inventé une partie de jeux. Si vous avez des idées de jeux, n'hésitez pas à nous appeler au 09 70 407 306 et pourquoi pas, Thierry se fera peut-être un plaisir. Tant qu'on s'en sort. Alors, si vous êtes producteur de jeux, appelez au 09 70 407 310 et demandez 306. Thierry. On en avait un. Mais la vie est un jeu. On avait Jonathan. On avait Jonathan par moment, oui, à la radio, et qui créait beaucoup de jeux vidéo, de jeux société. Ou là, je sais pas où est-ce qu'il en est d'ailleurs. Oui, c'est bien du courage. Et bah, il essayait d'en vendre, d'en sortir, hein, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Percer, bon, enfin, c'est comme très concurrentiel. C'est très concurrentiel. Toi, de... oui. Pardon, excuse-moi, oui. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Thierry. Vas-y. Quand je faisais des cours d'anglais, bah, comme tout le monde au collège. Hein, oui, il paraît. Ouais, c'est vrai. Il paraît. J'avais une prof qui utilisait beaucoup de jeux gustatifs pour apprendre l'anglais. Du style donner des choses à manger ou à toucher. Alors oui, des fois ça se mange pas, mais oui, et tu décris ce que tu peux décrire de différentes manières, c'est-à-dire tu peux effectivement être concret sur les ingrédients, tu peux faire aussi les sensations, ce que ouais. tu ressens, tu peux essayer de faire deviner aussi à un autre ce que tu ressens. Enfin, il y a mille façons de faire. Alors, et du coup on devait tout répondre en anglais et tout. Alors t'es dit, heureusement que j'avais pas la même prof que toi, vu que j'ai un palais qui est extrêmement mauvais. Déjà que mon anglais n'est pas bon de base, mais alors là je te dis pas, ça aurait été encore pire. Moi ça m'a détruit le palais. Mais ça pourrait être intéressant parce que les sensations seront différentes. Après, il faut juste que tu trouves des mots pour le dire, c'est tout. Oui, oui, effectivement. Alors, j'avais de la chance, de base, j'étais tombé sur un marshmallow. Donc en anglais, bah, ça doit se dire marshmallow. Ça va. Sauf qu'il y a un gars qui l'a dit. Ça doit venir probablement de ça. On sent la racine anglaise dans le mot. Bon, du coup, j'avais les yeux bandés. Et la personne qui me l'a porté, bah, je sais pas, me l'a porté. Puis il y a un gars, il a dit oh, c'est un marshmallow. Du coup, après, on va dire oh, bah non, on change. Je suis tombé sur du gingembre confit. Non seulement je savais pas le dire en anglais, mais en plus c'était dégueulasse. Ah, hop, double peine. Ça m'a défoncé la gueule. J'ai dit please water. C'est sûr que si on n'est pas habitué à manger ça pur, bon. Ouais, c'est violent. Déjà, ouais. Déjà en épices, si on en met trop, si on n'est pas habitué, bon. Ouais. La seule chose que je me rappelle, c'est please water. Ah, c'est déjà pas mal. Vous savez ce qu'on appelle le pain d'épices? Eh bien, en anglais, ça s'appelle du pain au gingembre, gingerbread. Ah ouais, d'accord. Comme si... On met du gingembre dans le pain d'épices. Bah, moi quand je fais, je mets pas mal d'épices différentes. Ouais. Mais par contre, je peux vous dire, je mets pas forcément beaucoup de gingembre parce que ça peut piquer, ça peut être bah ouais. Ouais. Mais je vois. Toi, Daniel, tu nous as préparé quoi? Alors moi, bah, je vous ai préparé un tour du monde. Vous savez que j'aime bien faire le tour. Voyager, bah, t'as des chemises à voyager. On fait beaucoup de tours du monde quand même chez Indestar. Ouais, c'est normal. Je vous emmène très souvent au tour du monde. Oui. Et on va parler de jeux traditionnels, mais on s'aperçoit que finalement, les jeux traditionnels sont quand même à la base de beaucoup de jeux actuels que l'on retrouve dans la pop culture. Les osselets. Non, on n'en parlera pas, cela c'est trop traditionnel. Allez, hop, c'est trop à la base. Ouais, c'est en ça. En fait, je vous ai préparé un genre de jeu. D'accord. Pour pouvoir en parler. Donc, on va faire un jeu en parlant de jeu. Donc, on va jouer en parlant de jeu. Voilà. D'accord. Et n'oubliez pas que nous sommes jeudi. Oh. Un point pour le Ah ouais, là, celle-là, elle mériterait presque un point, je suis d'accord. Ouais, presque. Presque. J'ai pas toujours rêvé. Presque. Ouais, j'ai tout dit et je vous laisse l'émission, salut. Merci. Et là, il vient de lancer le micro. Alors là, ah ouais, là par contre, pour présenter les jeux en anglais, on va être mal là. C'est pas moi qui m'en charge. Il suffit d'ouvrir les boîtes et puis de décrire ce que vous voyez et puis d'essayer de faire quelque chose avec. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. Ouais. C'est bien ce qu'on va faire parce que nous ne sommes pas en vidéo. Non. Donc il va bien falloir décrire ce qu'il y a dans la boîte et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Bon, on pourra le faire en français ou Of course, my dear. Yeah. Bon, ah. J'espère qu'il n'y aura pas grand-chose dans ma boîte. Hein. Ça. Nous, ce qu'on a dans notre boîte, c'est de la musique en théorie. Ouais, déjà. Non. Tu veux Moi, je veux. On peut peut-être faire une anecdote avant. T'as une anecdote? Oh, vas-y, balance. Ouais, les anecdotes des jeux, si quelqu'un en a. Ah oui, j'en ai retrouvé une très rigolote. Oui. Bah vas-y, Daniel. Alors à l'époque, je travaillais en déplacement. Et puis, comme on était beaucoup, qu'on restait plusieurs semaines sur place, en été, on allait camper. Ouais. Et je venais pour la première fois avec cette équipe. Je venais d'être muté dans le groupe. Et il y en a un qui était amateur d'un jeu qui s'appelle Les Dames Chinoises. Ouais. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Vous avez pris des vraies dames chinoises. Qu'est-ce que c'est, oui? Alors, c'est une étoile à 6 branches. Avec, tu as donc des billes. Oui, il y en a à la maison. C'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'avait notre grand-mère quand on jouait. Des fois, tu jouais avec elle. Oui, c'est moi qui l'ai fait connaître d'ailleurs. D'accord. Donc, le jeu, c'est tu as 4 et 3, 7 et 3, tu as 10 billes. Et il faut leur faire traverser le plateau pour aller en face. D'accord. D'accord. Et bon, quand t'es deux, mais ça va. Mais il y a des adversaires. Voilà, oui. Quand t'es deux, ça va. Mais alors, je te dis pas. Alors, c'est à la fois le bordel et à la fois bien quand t'es 6. Parce que, donc, il y a une façon de se déplacer. Et quand t'es à 6, des fois, tu peux te déplacer très vite. Ouais. Et ce gars-là, ça faisait 2-3 ans qu'il jouait aux dames chinoises avec le groupe. Il a jamais perdu. Et il me dit, bah tiens, Daniel, tu connais? J'ai dit non. Il m'explique, oh, j'ai dit, j'y ai jamais joué. Et je l'ai battu. Aïe, aïe, aïe. En gros, un peu la chance du débutant, parce que j'ai rejoué derrière et... Ouais, t'as perdu. Et j'ai perdu. Explosion, des fois totale. Ouais. Mais le gars... Mais c'est vrai qu'avec un petit plateau qui a l'air de rien, quand on se met vraiment à jouer, t'as des déplacements qui peuvent être très courts, très chiants, hein, mais quand tu enjambes une rangée de billes, voilà, tu te retrouves à te déplacer une multitude de cases. Et la chute de l'histoire, il a plus jamais ressorti le jeu. Aïe, aïe, aïe. Toi, Thierry, tu as une anecdote ? Oui, alors moi, je me rappelle d'un déménagement, en fait, quand j'ai quitté la région parisienne. Et en fait, on avait prévu un déménagement et ça ne s'est pas fait à la date prévue. Or, on avait fait tous les cartons et il y avait une multitude de choses, déjà, je crois, qui avaient déménagé, qui étaient arrivées en Touraine. Donc, il ne nous restait quasiment plus rien pour pas nous habiller serre, mais on avait gardé le minimum. Et donc, le minimum pour nous occuper, on n'avait plus que le Monopoly et la bonne paye. Et je ne sais plus si on a déménagé un mois ou deux mois après la date prévue. On n'avait plus que ça. Donc avec ma sœur, on a fait Monopoly, bonne paye, Monopoly, bonne paye. Aïe, aïe, aïe. À se balancer le truc dans la gueule. Ah ouais. On aime bien, mais au bout d'un moment, on n'en pouvait plus, quoi. Et on disait, mais quand est-ce qu'on déménage, quoi? Ou alors, ramenez-nous les cartons, quoi. Ah, tu m'étonnes. Toi, tu es... 1985, c'est vieux. Toi, t'es dit, tu as... Tu en as une ou pas? Ouais, si, j'en ai une qui m'est venue à l'esprit, justement, quand a parlé Thierry. C'est un peu dans le même état d'esprit, mais c'est même plutôt un fait. Ouais. J'ai jamais perdu au poker. Ah ouais? Ouais. Et au strip poker? Non plus. Je le compte comme une partie de poker normale. Mais après, qui est-ce qui perd au strip poker? Bah, parce que tu mets 50 soutifs, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai, en même temps, j'ai jamais joué beaucoup non plus. Enfin, je suis pas un gros joueur de poker, hein, mais. Techniquement, j'ai jamais perdu. J'ai jamais subi la défaite au poker. Moi, n'ayant jamais joué, je risque pas de perdre. Oui, tu as aussi le même truc. Oui, ah, oui. Non, mais c'est ça. Aussi, résultat. Ouais. Par contre, j'y ai joué un petit peu et j'y jouais quand je... Comment dire ? Quand je faisais un taf, quand j'étais grossiste dans les fruits et légumes, les employés qui étaient là, les autres comme moi, hein, je sais plus comment on s'appelait. Putain, c'était quoi ce boulot ? Je sais plus, on faisait un boulot et tous les midis, on avait une heure ou deux heures de pause, on mangeait, puis on jouait à des jeux. Donc on jouait soit au tarot africain, soit au poker. Ils jouaient au poker. Ouais. Ça change des dames chinoises. C'est ça. Ça change des dames chinoises, effectivement. Et donc ouais, ils jouent au poker beaucoup. Et j'ai dit, bah, vas-y, je joue avec vous. Dit, tu sais jouer? Ouais, à peu près. C'est, bah, comme tout le monde, quoi. Ouais, voilà. Enfin, à peu près, on n'est pas tous là à faire les championnats, quoi. Et le gars, il me dit, ouais, si, nous, même, on parie de l'argent, des fois. J'ai dit, ah ouais? Putain, vous êtes chaud. Moi, j'étais jeune, je me dis, bah, attends, je vais pas parler de l'argent. Il me dit, bon, on verra bien si tu gagnes ou tu perds, voilà. Donc je joue, puis bah je gagne. Puis du coup, le gars, c'est pas qu'il l'a mal pris, mais il dit, bon, bah tu pourras peut-être jouer de l'argent, du coup. Ok, bon, bah ok, je joue 5 euros. On a attendu le lendemain, parce qu'on avait le temps de faire qu'une seule partie, au final. Le lendemain, bon, bah je gagne. Il me dit, bon, bah c'est cool, hein, tu vois, tu sais jouer, au final. Ouais, mais je pense qu'on devrait arrêter de parier de l'argent quand même. Parce que si tu mises la maison de tes parents, on est mal. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Ouais. Si tu mises gros, et puis ouais, même, enfin, j'aurais été mal vu en fait. Enfin, t'imagines, je peux perdre évidemment, mais j'ai gagné. Si je gagne tout le temps, ils vont me détester. Ça, je venais d'arriver, ouais. Je voulais pas qu'ils me détestent, moi. Donc bon, j'aurais pu perdre hein, à un moment donné, mais bon, j'ai joué tellement la confiance au début, je disais ouais, je sais jouer à peu près, mais je vais gagner, tu vois. Je vais jouer comme ça, et en fait, je vais jouer à tout un truc psychologique à chaque fois sur chaque tour. Le pauvre, j'ai retourné. Mais nous, on a appris à se méfier, hein, de toute façon. Ouais, à force, ouais. Mais c'est trop facile. Dans le poker, il y a tellement de manipulations qu'on peut non, faire. Non, mais moi, je parlais de se méfier de Teddy. Oui, oui. Ouais, aussi. Moi aussi, je parlais. Le coup de poker à la fin de l'émission, on connaît. Hein. Ouais, c'est habituel. Parce que le poker pose pas de problème, mais Teddy, il a raison. Hein, tu ouais, c'est vrai. Ça, ouais. Il y a dans beaucoup de choses hein, comme ça. Si on peut jouer sur la psychologie, j'hésite pas à utiliser. Ouais, faut faire, ouais. Notre poker face. Ouais. Non, mais par exemple, quand vous y achetez un pain, il est capable de vous filer une baguette et vous faire croire que c'est un pain. Hein. Je peux. Et surtout s'il vous cogne en même temps. Ça. Oui. C'est et tout. Et toi, Kevin? Alors, moi, j'en ai deux. Bon, on va dire. Je vais en dire qu'une, vu que l'autre, j'ai pas envie. Alors, quand. Oui, c'est fait. Donc quand on était petit, je jouais beaucoup avec mon grand frère aussi, que ce soit aux jeux vidéo ou aux jeux à côté. Ouais, puis coucou Alexandre, oui, d'ailleurs. Oui, coucou Alexandre si tu nous écoutes. C'est pas papy ? Si, c'est Papy Alexandre. Ouais. Et donc, en juin, un moment, donc forcément, je fais que perdre. Puis je lui demande, mais est-ce que tu peux me laisser gagner un moment? Donc forcément, quand t'es jeune, bah tu fais que ça. Non. Puis Alexandre, il me dit, bah non, t'as qu'à devenir meilleur. C'est Et vrai. Bah, quelle connerie qu'il a dit. Maintenant, dans 80% des cas, je fais que gagner contre lui. J'aimerais bien avoir l'avis d'Alexandre. Alors, le pire, c'est que c'est vrai. Mais à quoi? Bah, que ce soit aux jeux vidéo, donc que ce soit FIFA. Tous les jeux, c'est peut-être pour ça que tu n'aimes pas perdre. À partir du moment où tu gagnes trop souvent, tu deviens mauvais. Tu deviens bon au jeu, mais tu deviens mauvais dans la vie. Alors, j'ai pas eu besoin de ça pour devenir mauvais. Au jeu, malheureux. La j'ai violence. Pas eu besoin de ça. T'inquiète pas. Mais en tout cas, pour aller mieux, il y a de la musique. Bah oui, il faut que t'arrêtes de bon dans les jeux. Quelque chose de bon. Bah, Janelle Garcia, Don't Speak, qui est une reprise de No Doubt qu'on va voir sur Indestar. Peck Avenger, l'émission du geek, l'émission du geek sur Indestar. Alors ce soir, l'émission du geek, c'est plus jeu de société quand même, sur lequel on a accès quand même. Est-ce qu'un geek, c'est pas aussi un gars qui joue aux jeux de société? Je sais pas. Ça... Oh, on peut être accro à toutes sortes de choses. Ouais, je pense peut, que mais... le mot renvoie plus. Voilà, ça renvoie plus aux technologies. Ça renvoie plus aux jeux vidéo quand même. En fait, un geek peut-être. Au départ, Thierry a raison de parler de nouvelles technologies. Un geek, c'est quelqu'un qui est accro aux technologies novatrices. Je vois. Donc voilà, en fait c'est plus un joueur. Mais c'est. Donc il est pas accro vieux con comme nous. Mais comme les jeux vidéo se sont développés, nouvelles technologies, bah on a associé le mot geek au mot jeu, c'est pour ça. Et d'accord. Quand les vieux cons se mettent à jour, on devient intéressant. Auquel cas on peut faire un historique aussi. Tout à fait. Oui, parce que là on parle du vieux. Voilà. Peut-être pas donc, con. Et dans l'historique, on va pouvoir glisser les différents types de jeux et de supports. Mais quoi, il y a eu quelques. Il y en a eu beaucoup quand même. Et ouais, et on va se rendre compte dans ce qu'on va mentionner en fait qu'il y a des jeux qui peuvent être très anciens en fait qui ont toujours pignon sur rue. mais ce qui est intéressant en fait, c'est que on s'est pas forcément intéressé à aller chercher tiens quel pouvait être le tout premier jeu. Et c'est vrai que cette émission a permis de faire ceci et de retrouver en Égypte en fait à moins 3000 avant JC de retrouver les premières toupies. Et tout le monde sait ce que c'est qu'une toupie. Et il y en a eu il n'y a pas très longtemps des traits à la mode, les Beyblade là, qu'on voyait dans les cours de récré. Et se dire, et ouais, de la première toupie en bois, ça, le principe n'a pas forcément évolué, sinon peut-être de se construire des choses pour les lancer ou des contraintes ou compter des points ou des pour choses comme ça. Elle-même, mais ça, mais ça. Voilà, mais ça reste le même principe. Un objet que tu fais tourner sur l'équipe. C'est équipe. Ça. Et la société se serait vraiment prise au jeu, donc en créant un premier jeu de société qui consistait à déplacer des pions de trois rangées de six cases. Ça aurait été l'un des premiers jeux. Bon, on peut imaginer de toute façon, si vous voulez, que ça peut être né un petit peu partout, parce qu'il suffit, vous asseyez des gamins au milieu d'un chemin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ramasser ce qu'ils trouvent, et vous ramassez des cailloux, vous ramassez des blocs, vous ramassez je sais pas quoi, et vous fabriquez un jeu. Ouais. Fabriquer un jeu déjà de les ranger par catégorie, de les déplacer ou par couleur ou de les entasser, etc. Donc on se dit bah oui, un petit truc simple à faire déranger, c'est déjà un jeu. Ouais, bah oui. J'ai mon fils qui fait ça, mais c'est vrai que c'est un peu triste en fait dans certaines choses quand tu te dis son seule passion c'est faire ranger, ordonner. Mais en vrai moi je trouve ça sympa hein, mais il aime bien ranger ses dinosaures d'une certaine manière. Alors ça, ce qui est très marrant, c'est quand on donne des espèces de, c'est comme un ballon, c'est avec des trous, il faut rentrer des objets à l'intérieur. Ah, et donc ouais. Il y a une forme des carrés, d'étoile, des une forme ronds, de... Et alors quand le gamin il force la pièce. Non, mais là, tu veux faire rentrer un rond dans un carré, et c'est pas ça. Si, c'est ça. Et puis, cling. Ça aurait pu totalement être moi, ça. Et ça finit par rentrer. Ça, il y a une vidéo que j'adore, qui traîne sur Facebook, elle passe, enfin, dans mon fil d'actualité, elle passe très souvent. C'est une vidéo où que t'as une personne qui, un adulte hein, qui joue à ce type de jeu. C'est le même principe, hein, c'est un seau avec un couvercle où il y a des trous où tu peux mettre des formes dedans. Et à côté, t'as une personne adulte aussi. Donc tu vois la première personne avec son seau montre je sais pas un demi-cercle. Tu te dis bah ça va dans l'espace demi-cercle. Donc la personne à côté, la meuf a dit oh, demi-cercle, en anglais en plus. A dit bah non il met dans le carré parce que ça passe dans le carré. Ah oui. Erreur de conception. Du coup il prend quoi? Il prend une arche. Bah dit arche, bah non, ça passe aussi dans le carré. Et toutes les pièces peuvent rentrer dans le carré parce que les concepteurs ont mal conçu leur truc. Aïe, aïe, aïe. Oh, le raté. C'était jouissif à voir. J'adore cette vidéo. Et ça m'intéresse en me disant, bah, tiens, vous voyez, j'ai moi qui fais toujours des trucs détournés, ouais, qu'on peut arriver aussi à ses fins par d'autres chemins que celui qui est tout tracé. Oui. Et ça, ah bah, oui, ça, c'est ça m'intéresse. Oui. C'est ça qui permet de faire de la poésie, de la chanson. Enfin, nous sommes bien placés sur la bien radio sûr. Pour ouais. ça. C'est, ah vrai non, que... c'est vrai. Alors moi je vous ai donné la chronologie à chacun parce que j'aimerais que selon vos centres d'intérêt ou votre curiosité, ben, vous vous laissiez guider par cette chrono, puis que vous nous disiez des choses comme ça. On va pas les dire dans l'ordre pour histoire non. de faire une chrono, on s'en fout, hein. C'est juste de se dire tiens, ben, moi qui m'intéresse par exemple aux jeux vidéo, je ne sais quoi, ben, tiens, ils ont l'air d'être nés là ou pas, alors je vous laisse faire. Et ben, je vais commencer alors. Eh ben vas-y. 600 ans avant Jésus-Christ. Ah non, c'est après, merde. Putain, le seul après. Oh là. Déjà, il commence. Oui, mais c'est normal que tu te plantes parce qu'en fait, dans la chrono, on passe de 500 avant à 600 après. Mais oui. Bon. Et il a pas fait de séparation. Aïe, aïe, aïe. Je suis obligé et de on dirait qu'il n'y a rien eu entre les deux. Ils sont passés de la Marelle, ils ont joué pendant longtemps, pendant 1000 ans à peu près. À la Marelle, et après ils se sont dit tiens, si on faisait autre chose quand même, ça serait cool. Non, mais ce sont des exemples de choses en fait. Oui. Ils ont pris des choses qui persistent encore. C'est-à-dire que la Marelle, dans une cour de récré, on y joue encore. Et nous, adultes, serions tout à fait capables d'en tracer une devant une Parce qu'à y jouer, c'est pas sûr. Mais... Alors, je vais juste faire un petit gag quand même. Quand j'étais petit, je comprenais pas que c'était le jeu de la Marelle, mais je croyais que c'était le jeu de la marraine. Aïe, aïe, aïe. Et je comprenais pas pourquoi on sautait de case en case avec la marraine. Bon, après, on m'a expliqué, mais. On voilà, saute pas la marraine. Non. La marraine d'Oléron, la l'huître. Pourquoi ouais, mais non, mais peut-être qu'à force de raconter des contes sur des marraines, vous savez, les bonnes fées qui ouais. viennent. Voilà. En fait, c'était une déformation de marraine. Ouais, c'est ça. C'était un jeu d'adulte, comme tu disais, pour sauter. On va peut-être revenir à 600 après Jésus-Christ, comme tu disais après Jésus. Oui, le premier joueur. Pour le premier jeu d'échecs, j'imagine. Oui, alors on nous met les premiers joueurs d'échecs, donc ça veut dire qu'on a dû commencer à opposer probablement plusieurs candidats. Hein. Bah, c'est vrai ouais. que jouer tout seul aux échecs, c'est compliqué. Pas, ouais. Et ben, on peut se demander, en fait, ça aurait été bien qu'on nous détaille le truc, en fait, du tout début, se dire tiens, comment ça a pu être conçu et est-ce qu'au départ, ça n'a pas été conçu pour pouvoir aussi réfléchir soi-même, je ne sais quoi, aux stratégies. Bon. Moi, je pense que j'ai une petite théorie là-dessus. Dans le sens où c'est, pour la plupart, hein, c'est un jeu vachement stratégique, les échecs vachement complexes, avec des pions différents qui ont des mouvements différents. Je pense qu'effectivement, c'est lié à la possibilité de faire la guerre, pas avec des échecs évidemment, hein, mais ça va être compliqué de faire. Mais je pense que pour s'entraîner à certaines choses dans la guerre, tu pouvais t'entraîner sur un jeu d'échecs, dans le sens où... peut-être pour mettre au point des stratégies. Pour mettre au point des stratégies. Oui, parce que les cavaliers vont pas avancer 3 cases et attendre. on n'est pas du tour par tour là. Hein. Non, bah non. Donc, oui, de dire que tu donnes déjà même la plus référence, ou moins d'importance. Le roi, la reine, le pion, le fou, le cavalier, la tour. Tout ça, c'est quand même des références. Pour la plupart, à part le fou, hein. Aux armes. Oui, ah. aux armes, guerrières. C'est ça. Voilà. Puisque roi et reine sont aussi, enfin si vous voyez par rapport à la reine d'Angleterre ouais. est chef des armées. Oui, bah oui. Ouais. On l'a dit symbolique, mais un elle cavalier est encore souvent chef c'est des pas armées. Juste quelqu'un qui monte sur un cheval. Hein. À l'époque, c'était un quelqu'un cavalier qui surgit de la nuit. Ça c'est le générique de Zorro, ça. Et surtout que si on regarde c'est pas générique de Bébert. Le non. jeu d'échecs, c'est la reine la pièce la plus puissante, c'est pas ouais, le roi. C'est... Ouais. Ça c'est fort. Ouais. C'était le premier truc féministe. Mais non, même mais dans Alice au Pays des Merveilles, c'est la reine qui prend toute la place, le roi c'est un pion. Oui. Pourquoi elle est trop grosse. Par contre, c'est le roi qu'il faut. Non, elle ordonne qu'on bute tout le monde. C'est la reine de cœur qui n'en a pas. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'aux échecs, on a coutume de dire si t'as battu la reine, t'as presque gagné. Ouais. Tu fais une bouchée de la reine. Oui, c'est ça. Fait une bouchée de la reine. C'est ça. Alors que c'est le roi en fait qu'il faut tuer pour gagner. Ah oui. Ouais. Ouais. Alors qu'il il sert à rien. Il avance c'est pas ça. Lui. Non mais tu vois la... Lui il sert juste à être protégé. Mais ça s'interroge sur la vraie histoire, sur la grande histoire, la place des reines hein, aussi. Ouais. Même celle qui. Mais même la place pas... des rois. forcément. Un roi, ça sert à rien, c'est à cacher en fait. Et non mais moralité de l'histoire, la reine protège le roi et le roi est incapable de la protéger. Hein. Regardez même le rôle des premières dames, les femmes de président qui sont un peu dans l'ombre mais qui sont des très bonnes conseillères et même ambassadrices, etc. Ouais. Enfin, qui ont des places importantes. Hein. Bah ouais, bah, non, si mais tu regardes bien dans l'histoire, les grands hommes de l'histoire, il y a toujours une femme. Ouais. Ouais, moralité, ouais. Les hommes sont pas si grands que ça s'ils n'ont pas une femme derrière eux. Voilà, je trouve ça très beau. Ouais. Très tu rentres à la maison. Ouais. D'ailleurs, tu viens jouer aux échecs, il faut qu'on fasse notre. Toi, Daniel, est-ce que dedans il y a quelque chose qui te. Alors, on aurait pu s'attendre à ce que je parle des débuts de jeux vidéo, parce que bon, j'ai. Mais non, il y a quand même autre chose qui m'a interpellé dans ta liste. Le bridge. Ce sont. No, it's not the bridge. Putain, je suis fier. C'est chez le dentiste qu'on a les bridges. Tu connais Didier Bridgewater ? Ah oui. Bridge, c'est le pont dentaire, c'est ça ? Ouais. C'est le pont dentaire. C'est ouais, c'est un pont. Tu mets. Oui. Je connais. On appelle ça une couronne, d'ailleurs, en parlant de. Ah non, c'est pas la même chose. La couronne, ça on tourne qu'une seule. Dans le pont dentaire, c'est plusieurs dents que. Oui, tu relis là où il y a un trou. Ouais. Okay. C'est un truc dedans. Oui, bon. Alors moi, ce qui m'a un petit peu marqué. Un truc dedans, oui. Bah, c'est peut-être dedans, quoi. Ce sont les jeux d'argent. Les jeux d'argent. Oui, alors t'as plusieurs. Il y a les jeux d'or et les jeux d'argent. Il y a plusieurs références aux jeux d'argent. Oui, références aux jeux d'argent. Et l'un des premiers casinos démontrés, connus, était à Venise. Ah bon ? En 1638. Je viens de l'apprendre, je ne le savais pas, je suis comme ça. Et on jouait en costume, si ça se trouve. Peut-être, pas savoir. Peut-être, est-ce qu'on jouait aussi les costumes ? Je n'en sais rien. Hein ? Et par contre, ce qui m'a aussi étonné, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, les premiers paris sportifs apparaissent en France en 1887. Et on aurait pu s'attendre à ce que ce soit aux USA ou en Angleterre. Ouais. C'est vrai qu'au niveau jeu, au niveau plein de choses, surtout les États-Unis, on peut savoir. Ouais. Et ben non, il a fallu attendre 1930, donc plus de 40 ans après. Ouais, c'est vrai, paris sportifs. Vous en faites beaucoup, des paris sportifs ? Ah, moi, jamais fait. Mais... Je suis pas très sportif alors. Paris. Tu peux toujours parier sur les enfin, sportifs. Enfin, des fois, aller à Paris, c'est sportif. Hein. Ça. Aussi. Et on s'aperçoit que l'auto sportif est renaît en France en 1985. Oh, le loto. Ouais. Oh. C'est ça. Voilà. Oh, une institution, ça. Mais là, le sportif, je parle. Hein. Pourquoi d'où c'est sportif, le loto ? Ben, disons qu'ils ont créé un jeu avec des grilles, comme le loto, mais pour parier gagnant, nul ou perdant. Rassure-toi, t'es pas obligé de courir pour jouer au loto sportif. Non, bah non. Hein. J'ai pas compris. Tu sais jouer au loto. Sur la base de la loterie nationale avec les boules là. Tu rajoutes le sportif. Bon, ils en ont fait. Sauf que tu remplaces. Dérivé sportif. Tu remplaces les boules par des sportifs. Il a toujours pas compris. C'est-à-dire que tu paries sur les résultats des matchs ou de compétitions sportives. Au hasard. Non, tu paries pas au hasard. Non, tu paries pas au hasard. T'essayes de trouver. Le loto, c'est en fait t'attends qu'il tire un truc et tu. Voilà. Oui. Sauf que là, bon. Il y a toujours une part de hasard parce que t'as toujours des surprises. C'est ça. Le loto dans le sens c'est le hasard, c'est pas le loto. Bon, on va lui expliquer en off. Ouais, c'est ça, vu qu'autrement je crois qu'on va mettre. Et puis tu vas retourner jouer aux échecs pour ne pas perdre. Ah, parce que pour moi, le loto sportif, tu vois, c'est le loto classique avec ses pions et tout, mais juste qu'il y a des enjeux grands. Non, c'est autre chose. Non, tu paries, ce sont des paris que tu fais sur des compétitions sportives. Voilà. Ah, sur des joueurs qui jouent au loto. Mais non. Non, admettons, alors, tu paries au foot. Oui. Tu vas voir Paris qui va jouer, je sais pas, une petite équipe. Ouais. Tu vas parier sur Paris vu que c'est eux qui sont favoris. Oui, mais c'est pas un loto ça. Mais c'est ça qu'on te parle. Mais c'est si tu vas avoir une série de matchs et tu dois. Enfin, si ça n'a pas changé, parce que moi je me suis plus intéressé à ça depuis longtemps, tu devais trouver si ça allait être l'équipe qui recevait qui allait gagner, s'il allait avoir match nul ou si c'était l'autre équipe qui allait gagner. Et tu as toute une série de matchs comme ça. Et ça, c'est un pari sportif. Et ça te fait une série. Voilà, mais en France, on appelle ça le loto sportif. Ouais. Donc, du coup, oui, ça n'a rien à voir avec le jeu loto. Non. Putain, je crois qu'il a compris. Ouais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il a fallu 5 minutes. L'auto était une marque déposée aussi, hein, donc c'est peut-être pour ça. Bah oui, c'est pour ça. Parce que, oui. C'est pas non plus l'auto mobile. Il y a deux termes, on va dire, l'auto. Il y a l'auto, le jeu en fait. Le jeu national, pour le coup, pas ça. Hein. Le jeu où que, tu sais, tous les vieux font là. le 12, tu mets ton pion sur le 12. Voilà. Ah, c'est vrai. Bah oui, l'auto quoi. Ouais. Oui, le loto, le bingo, comme ils appellent dans les pays anglo-saxons. Oui, c'est vrai, le bingo. Ou le bingo, on peut dire en France. C'est ça. Bah non, c'est le loto. Ouais. C'est ça. Avec un jambon de bébé à gagner. Enfin, du cousin à bébé, parce que ouais, vu qu'il y en a tellement. Les lots, aujourd'hui, ça, c'est, je sais pas si ça s'est amélioré, mais alors oui, des fois, les lots. Des trucs. C'est ça. Oui, non, mais ça me rappelle les fêtes de village où tu pouvais gagner un lapin nain ou un cochon ou quoi. Tu pouvais gagner tellement de trucs. Moi, une fois, je suis reparti avec un kilo de poitrine de bébé. C'est les copains, ils m'ont dit, viens, il y a un concours de belote. Oui, le concours de belote, rien à foutre. Puis finalement, j'y suis allé. Mais quand je suis arrivé pour prendre mon lot, t'avais quoi, un kilo de poitrine, 500 grammes de côte de porc. Par contre, ça tombe bien que tu parles de belote, vu que. Je croyais que ça tombait bien qu'il parle de poitrine. aussi, non, Kevin aime bien les poitrines. Non. Les poitrines de porc. Pardon. Est-ce qu'elles sont fumées? On n'en sait rien. Mais je pensais que c'était plus vieux que ça, l'invention du jeu de la belote. C'est qu'en 1900 que ça a été inventé. Ouais, je suis pas fan, moi, de la belote. Ils ont commencé dans le métro, peut-être, parce que c'est peut-être. À peu près les mêmes... Mais tu vois, je pensais que c'était bien plus vieux, quand même. Puis je me suis toujours demandé pourquoi ça s'appelle la pelote. Eh ben, c'est expliqué, là, sur le... Lis toute la ligne, étant à la... Par monsieur... Monsieur... Belote. Belote. Voilà, belot, il a belote. Peut-être pensé à sa femme, on a dit le belot, il a fait la belote. C'est ça. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais. Ouais, c'est logique. Ah. C'est okay. Normal, ouais. Ouais, c'est beau, hein. C'est quand même extraordinaire. Hein. Mais oui, ce qui aurait pu être intéressant, c'est qu'on nous glisse peut-être les premières cartes que l'on a pu retrouver, parce qu'on s'est dit, la belote et plein d'autres choses, ce sont des cartes. Et quand est-ce que les cartes ont été dessinées pour la première fois? Vous savez, d'ailleurs, il y a des jeux qui sont très intéressants, où il y a des noms qui sont marqués à côté des têtes, à côté des valets, dames, etc. Il y a des noms qui sont marqués. C'est assez intéressant de relier l'histoire, la grande histoire. Ça fait référence. Judith, oui. Ouais. Ça fait des références à des personnages. C'est ça, ouais. Il y a plein de trucs. Ouais. C'est clair. Donc, ouais, là, on va peut-être faire un tour du monde maintenant après ce petit historique quand même. C'est toi qui vois. Ouais. On va voyager, c'est pas idiot. Ouais, on va voyager un peu. Ça te voyage en musique ou pas? Tu veux voyager en musique avant? On part en musique, oui. On voyage en musique. on met toujours la musique, toutes les manières pour voyager. Hein, techniquement. Sinon, tu te fais chier. Hein, surtout un tour du monde sans musique, je dis pas. Mais... C'est vrai que mais oui, c'est trivial comme un jeu. Alors, on commence en Chine. On commence en Chine pour voyager. En Chine? Ouais, Fuzeta, Pavilao, Chinese. Oh, ouais. C'est beau. Oh, il fait fort là. On va l'avoir. Il joue avec stars, les mots en tout cas. Il joue avec les mots en tout cas. Peck Avenger, c'est comme. Dans OSS 117. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Mais en différent. Donc, sur Indestar pour Peck Avenger 2.0, où Daniel, tu vas nous emmener faire un tour du monde quand même. C'est pour ça qu'il est on va voyager. Alors, on va voyager en faisant un jeu. Alors, je vais vous parler de jeu en faisant un jeu. Un jeu dans un jeu, donc. Voilà. D'accord. J'ai sélectionné 11 jeux traditionnels autour du monde. D'accord. Qui représentent, je me suis efforcé, les 5 continents. Ok. On va même dire les 6 parce que. Ah bon, il n'y a pas 11 continents? Non, non, non. Ah non, il y a des incontinents. Ah ouais, mais ça, il y en a plus de 11. Hein. Et donc, il y a 11 jeux. Tiens, ça me donne une idée d'ailleurs. On va rajouter encore un jeu. 11 comme une équipe de foot. Alors, Kevin, t'es un footeux. Ouais. J'ai numéroté mes jeux de 1 à 11. Ouais. Et puis, si ça te donne si ça t'inspire un nom de joueur, tu nous donneras le nom du joueur qui porte ce numéro. Allez, dans ta gueule. Pourquoi pas? C'est gratuit, ça. Alors, qui veut commencer? Parce que vous allez soit tirer comme ça, soit me dire un numéro, c'est comme vous voulez. Allez, je tire le premier coup. Thierry, tire toujours le premier. C'est ça. Donc, est-ce que c'est un bon coup? Tu as un numéro en haut à gauche au dos. Alors, au dos. Attends, parce que comme tu fais des trucs sur du brouillon, faut savoir où c'est. 4. 4. Donc tu as le jeu numéro 4. Alors numéro 4, est-ce que tu as un joueur de foot? Sergio Ramos, défenseur central espagnol. Bon, d'accord. Ah. Alors 4, tu peux nous décrire ce que tu as dans les mains? Une feuille. Alors c'est un plateau. Avec des pions dessus. Donc, est-ce que c'est une forme de jeu d'échecs ou d'autres jeux? Je ne sais pas. Oui, c'est une forme, on peut dire, un peu quelque part de jeu d'échecs. C'est un plateau de 81 cases, 9 par 9. Et le roi, tu peux voir, il y a une pièce au milieu du... au centre, les rois, sur la case centrale. Ouais, qui s'appelle le trône. Voilà, pour le roi, c'est... Le trône. Voilà. Il y a 8 défenseurs autour du roi, donc... Le roi avait une grosse envie, il est parti sur son trône. Le seul truc, c'est que c'est pas discret parce qu'il est entouré d'autres personnages voilà. de chaque côté. C'est raté. Donc tu as un roi qui est défendu par 8 défenseurs et t'as 16 attaquants, 16 pions. T'as les défenseurs et les défenseurs. C'est ça. Alors c'est un jeu qui nous vient d'Europe du Nord, qui représente l'Europe, donc... Oh, j'ai l'impression de faire le jeu de l'Eurovision. Ça représente tel pays, voilà, ça représente l'Europe. Lâchez la vachette. Ouais, continue ton Eurovision. C'est un jeu genre de Vikings, alors, du coup. Alors, toutes les pièces... Comment ? Oui. Europe du Nord, c'est vers Vikings et tout ça. Oui, c'est ça, Scandinavie, Suède, Scandinave. Quand il scandinave, oui, c'est... Ah, j'ai une musique dans la tête. Il s'appelle le Tablut. À tes souhaits. On dirait un truc de chez Iker. Ça c'est fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la disposition. En fait, ça fait un peu comme un plus, enfin comme une croix. On n'a pas des personnages qui partent d'un camp opposé à un autre à l'autre extrémité. Non, on verra. Il y a plein de jeux comme ça où on ne part pas d'un camp opposé à un autre. Où il y a pas obligatoirement des forces égales qui s'opposent. Oui, c'est clair, 16 contre 9 là. Oui, enfin contre 8 parce que le roi. Le roi se bat pas. C'est comme aux échecs, il sert à rien, comme tu disais. Hein. Il trône, voilà. Il reste sur son trône, il trône. Il pavane. On va en reparler tout à l'heure, mais le roi aux échecs, il y a quelque chose qui peut être fait avec lui. On en reparlera tout à l'heure. D'accord. Pour le quiz. Pour le quiz. C'est ce que j'allais dire, c'est une question de quiz. Le roi est mort, vive le roi. C'est ça. Alors, toutes les pièces se déplacent comme la tour, justement aux échecs, donc en ligne droite. D'accord, donc en ligne droite, ouais. Un pion peut sauter par-dessus un autre. Ouais. Donc on peut sauter la marraine, hein, y a pas de problème. Hein. Et du coup, ça le fait manger ? Alors, pour prendre un pion adverse. Il faut l'encadrer horizontalement ou verticalement par deux pions de son corps. D'accord, donc tu sautes par-dessus, tu mets un autre pion à la place. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est une ligne de 3 avec un pion au milieu. Adverse au milieu. Ouais. Et là, on l'écrase. Petite obligation pour les pions, il y a une seule place, une seule case où ils peuvent pas aller, c'est celle du roi. Du roi, du trône. D'accord. Le roi des cons. Et le but, c'est de prendre le roi Le but, oui, c'est de prendre le roi. Quand t'es attaquant. Quand t'es attaquant. Ouais. Okay. Et donc, si à un moment donné t'es attaquant et t'as plus assez de pions, t'as perdu. Chef. Ah bah, comme ça, c'est fait. Et si t'as qu'un pion, t'as perdu. Et mat. Ah bah, si t'as. Oui, de toute façon, oui, si t'as plus assez de pions pour prendre le roi. C'est ça. Non, mais je veux dire, quand t'es attaquant, si t'as qu'un seul pion, t'as perdu. Si t'es défenseur, si t'es grâce qu'un seul pion, parce que tu peux plus encadrer quoi que ce soit. Oui, alors, je suis pas rentré en détail, mais bon, on peut extrapoler de cette façon. Ouais, arrête, parce que là, on peut plus t'encadrer. Ouais. Moi, je veux le 5. Tu veux le 5. Parce que j'aime le champ. C'est un jeu hyper intéressant que t'as pris. 5 sur 5. C'est un jeu hyper intéressant. 5. Du coup, j'ai pris le 5. Hein. Ouais. Oh, on dirait un dentier. Oh putain, ça ressemble à quelque chose. Ah ouais. Ça ressemble à quelque chose. Merci, t'as dit. Oui. Ça fait un cercle avec, dans les extrémités, vous savez, comme nord, sud, est, ouest. Exact. Il y a des gros ronds. Une girouette. Ouais. Exact. Et justement, on parle de point cardinal dans le jeu. Justement. Ça me paraît, c'est logique. Et au milieu, t'as un rond central avec deux petits ronds à chaque fois qui vont sur les extrémités, enfin deux vers le nord, deux vers le sud, deux vers l'ouest, deux vers l'est. Et du coup, ça fait une croix dans un rond. Voilà. Bah c'est ça. Et le but, j'ai l'impression, c'est de faire le tour du plateau et d'aller au milieu. Mais c'est les petits chevaux. C'est les petits chevaux version rond. Alors les petits chevaux qui tournent en rond, ça fait un manège. Pour être un peu plus clair, ouais, ça fait un peu ça. Tourner pour être manège. Un peu plus clair, on peut imaginer un cadran de montre avec un peu plus de 12 chiffres, ça doit être 16, 15 autour. 16 plus avec, 4 ronds, ouais. Voilà, plus les points cardinaux avec des ronds centraux. C'est un jeu asiatique qui nous vient de Corée. Ouais. Okay. Et ça s'appelle... Oh, bah, je vous donnerai ça le nom. Ça s'appelle le riz Corée. Pourquoi pas le riz Corée, ouais. C'est très rigolo. Ouais. C'est moi. C'est Thierry. Bébert, ça... tu peux me soutenir, s'il te plaît. Ce jeu peut se jouer de 2 à 4 joueurs. Quand tu es à 2, t'as 4 pions par joueur. Quand t'es à 3, t'as 3 pions par joueur. Et quand t'es à 4, t'as 2 pions par joueur. Okay. Il faut faire sortir tous ces pions par la case du haut. Okay. Et l'avantage justement de ces croix, donc ces pointes cardinaux, c'est que ça permet de prendre des raccourcis. Voilà. Comme chez Ikea. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des contraintes parce que sinon tout le monde prendrait un raccourci en fait. Oui, il faut tomber sur la case déjà. Ouais. Et puis après, bon, t'as des dés, ce qu'ils appellent des dés biface. Des dés à deux faces. Ouais, ouais. C'est des dés. C'est des pièces. Sans déconner. Ce sont des. Alors on le retrouvera dans un autre jeu. De toute façon, ce principe de dés biface. Ouais. Il y a une face plate et une face bombée. Comme chez moi. Le dos et le ventre. Et il va nous dire qu'il a un ventre plat. Avec le ton dos rond bombé. Alors, les dés, quand tu les lances, il y en a 4. Donc, tu as un point pour chaque face plate. Donc, quand tu as 3 faces plates, tu as 3 points. Quand tu en as 4, tu en as 4 points. Et quand tu as les 5 faces bombées, les 4 faces bombées, pardon, tu as 5 points. D'accord. Quand tu tombes sur une case occupée, bah, c'est comme très souvent, le pion est renvoyé au départ. Logique. Par contre, point quand même intéressant et particulier de ce jeu, si tu tombes sur une case où tu as tes deux pions, tu peux les associer et les faire voyager en même temps. Ouais. Par contre, si un adversaire tombe sur ta pièce, sur ta case, bah, il renvoie dans ce cas les deux pions sur la case départ. Ok. Violence. Ouais, voilà. Ça c'est quand même assez violent. Voilà. Kevin ? Oui. Un joueur, non, avec le numéro 5 ? Ah, un joueur avec le numéro 5. Vu qu'à la fin, il y en a un qui m'est revenu à la fin. Ouais, et j'ai oublié de vous donner le nom du jeu aussi. Et le pire, c'est un défenseur que j'aimais bien quand il jouait en 2010, Carles Puyol. Il avait le numéro 5 au Barça. Ah ! Et j'allais l'oublier. D'accord. Bon, bah voilà, alors 2 sur 2 pour Kevin. Pour le nom, oui, du jeu. Ça s'appelle le Yut. Le Yut ? Ouais, et pas le rut. Le comment ça s'écrit, ce un truc ? Un autre meuble. Toujours chez Ikea. Hein, c'est YUT, ça s'écrit. Tu veux en tirer un au sort ou tu veux un numéro ? Ah, moi, le numéro 7. Ça aurait pu s'appeler l'abra raccourci aussi. Pour les. Voilà le numéro 7. Oula. Alors, on a un plateau avec différentes écritures en rouge et en noir. Et donc, on a des pions qui ont l'air de se déplacer. Ça a l'air d'être ça, non ? Deux couleurs. Deux personnes. Alors, qui jouent ? Oui, c'est forcément. Oui. C'est deux personnes qui jouent. Ouais. C'est un jeu chinois qui s'appelle le Xiangqi. À tes souhaits. Merci, la foule. Ah, c'est pas un meuble. Non, celui-là, non. C'est ce qu'il y avait sous le meuble. Peut-être qu'il a été assemblé là-bas aussi. On appelle ça le jeu d'échecs chinois. D'accord. C'est un petit peu pour Teddy. Ah bah. Le plateau est asymétrique. Il a 10 lignes horizontales et 9 verticales. Ouais. Et il y a une rivière au milieu. Avec un palais au centre. Ah, donc c'est ça que je vois avec l'espèce de L qui est dessinée. C'est. Oui, bah oui. Ça doit vouloir dire rivière. Voilà. Rivière en. En chinois. Chinois, voilà. Alors, chaque joueur a 16 pièces. Donc il y a le général, le gouverneur qui est. L'équivalent du roi qui, lui, est emprisonné dans le palais. Il est assigné à résidence. Hein. Ouais. Il ne peut pas bouger. C'est lui qui a le plus d'écriture, alors. Voilà. Peut-être. Oui, sans doute, vu que c'est celui-là qui est au milieu. Oui, parce qu'en plus, je me suis piégé parce que j'ai pas la photo sous les yeux. On l'oublie. Alors, ce que j'adore dans ce jeu, c'est qu'il y a un éléphant. Mais lui, il ne peut pas traverser la rivière. Peut-être rose, oui. Nous, on a un bébé rose, mais bon, l'éléphant, il est peut-être rose, j'en sais rien. Il y a un mandarin. D'accord. En Chine, c'est normal. Mmh. Oui. Il y a un cavalier. Par contre, contrairement aux échecs, il ne peut pas sauter par-dessus les autres pièces. D'accord. Mais il peut sauter par-dessus la rivière. Il y a un canon. Un canon. Ah, moi, j'adore, il y a un canon. Non, pas une belle fille, un canon. C'est aussi une belle fille. Très belle fille. Il y a un char. Un char ? Oui, un char. Mmh. Et puis bon, il y a le pion, comme on trouve partout. D'accord. Il faut damer le pion. Voilà, il faut oublier le. Est-ce qu'on va le damer ? J'en sais rien. Thierry, tu. Bah, numéro 7 aussi, non, peut-être. Ah, oui. J'en ai pris plein. Alors. Bravo. Ah, il choisit en plus. C'est ça. Quelque chose qui m'inspire. Parce qu'il y a les différents motifs qu'on retrouve sur nos cartes trèfle, pique, carreau, cœur. Ah, ok. Alors, c'est quoi, Daniel ? Le numéro, c'est le 10, effectivement. Mm. Alors, ça ressemble un peu. Alors, c'est carré, mais ça pourrait être une espèce de boussole. Je sais pas ce qu'il y a. En fait, il y a plusieurs formes possibles. Mm. Ce qui est important dans ce jeu, c'est qu'il y a un trajet. Pour répondre au petit challenge que tu m'as mis, numéro 7. Numéro 7, oui, pardon. Griezmann et le portugais, je sais plus comment il s'appelle, qui a toujours le numéro 7. Cristiano Ronaldo. Merci, Teddy. Comment t'as pu l'oublier ? Mais c'était fait exprès, comme ça, je crois qu'il a eu envie de l'oublier, voilà. En fait. Hein. Mais moi, je le connais. Thierry, tu disais numéro 10, c'est ça ? Oui. Messi. Donc, je pensais à son compatriote, vu que forcément, c'est mon joueur préféré. Il a le 10, Messi ? Oui, il a le 10. Il a eu le 10. Oh, oh. Et ben voilà. Et la Sergio chance, Aguero. J'ai dit les deux seuls joueurs que je connais. Et Aguero, qui est mon joueur préféré, qui avait le 10 à City. Zidane. Oui, aussi. Bah après, ouh, numéro 10 allez légendaire, il y en a pas mal. Après, t'as je savais pas qu'il avait 10. Après, t'as Platini. T'as Ronaldinho. Ah, Platini, ouais, je connais aussi. Pas. Barthez, je connais. Non, ouais, mais non, c'est pas le 10. Non, ah, lui, non. C'était le 16 ou le 17. Un gardien qui a le numéro 10, j'ai pas vu encore. Ouais, arrête, il est trop bien, Barthez. Vu qu'après, le numéro 10, pour t'expliquer vite fait, c'est le meneur de jeu souvent. Alors, justement, on est dans les jeux, c'est, ça tombe bien. C'est ça. Voilà. Bon, donc on voit une espèce de plateau qui pourrait ressembler à un plateau de petits chevaux. C'est bien vu, c'est parcours, exact. Mais il y a une espèce de boussole au centre, ou est-ce que c'est un cercle dans lequel il faut aller, enfin... Non, en fait, c'est une décoration, la boussole au centre. c'est, on va dire, un petit peu notre équivalent de petits chevaux, si on peut dire notre équivalent, parce que c'est un jeu canadien, Amérique du Nord, donc. Ça s'appelle le jeu de Toc. Je sais qu'il est relativement... Tabernacle, Simon. J'ai oublié le calibou. Alors, de l'or. C'est exact. Donc, il y a beaucoup de similitudes avec le jeu de petits choux. Sauf qu'on n'utilise pas des dés pour se déplacer. On utilise des cartes. On utilise René. Aïe, aïe, aïe. Alors, René, des cartes, hein, pas René à l'année de... René dans la Cadillac. Aïe, aïe, aïe. René Descartes, notre tourangeau célèbre d'il y a fort longtemps. Voilà. Donc, alors, chaque joueur a toujours 5 cartes. Alors, le jeu se déroule de la façon suivante. Avec un as, on peut rentrer un pion en jeu. Ouais. Hein ? Avec un joker, ou avancer d'une case avec un as. Donc, oui, si on a, voilà. Avec un joker, on peut aussi rentrer un pion en jeu. Et on peut avancer de 18 cases. C'est joker. Ouais, c'est vraiment c'est le joker. Hein. Et dans certains cas, on peut aussi rejouer tout de suite avec le joker. D'accord. Ah, c'est cool. Le roi aussi, on peut faire rentrer un pion en jeu. Donc ça fait quand même 4-4-8, 10 cartes sur 154 pour rentrer en jeu. Et on peut quand même avancer de 13 cases. Ouais. Ouais. Ah, c'est logique. Et après, ça va aller en descendant. Ouais. Donc tu pourras avancer. En grande partie, oui. En grande partie. Il peut aussi le roi capturer les pions sur son chemin. Bon, okay. Là, la dame est pas comme aux échecs, est un tout petit peu moins forte que le roi. Ouais, aux cartes, c'est pas encore assez progressiste. Mais on peut quand même avancer de 12 cases. Hein, avec, c'est pas mal. Avec, on est presque sur l'égalité. Voilà, oui. Alors, avaler quand même, on peut. 10 ou 11. On peut échanger avec n'importe lequel. De pion sur le plateau. D'accord. Ça soit parce qu'un valet, ça peut servir. C'est ça, voilà, c'est ça. Et ça sert à quelque chose. Ça sert vitude d'ailleurs. Oh. Putain, elle est bien. Ouais. Je suis en train de faire une Thierry là. Je préférerais la mienne, mais bon. Non, je voulais montrer que j'avais appris de Thierry et que j'étais capable de. Non, mais je préfère du Thierry. J'ai pas besoin de toi, j'ai un miroir. Alors, il y a. Il s'aime déjà lui-même. Oui, donc qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Ah, oh, c'est très gentil de me prendre sur un ton aussi condescendant. Voilà. Bon, alors, merci. Qu'est-ce qu'il y a dans ton jeu là? Si tu préfères. Il y a aussi des 7. Et avec les 7, on peut décomposer le 7 et faire avancer plusieurs pions en même temps. De si 7 veux... Non, de 7 au total. Si tu veux faire avancer 4 pions en même temps, tu peux. Tu fais 3 plus toi plus toi plus 1, ça fait 7. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Avec 5, tu fais. T'as dit combien? 3 plus 3 plus 3 plus 1 3 plus 3. Ah non, 2 plus 2 plus 2 plus 1, pardon. Hey, c'est brave. On était tellement convaincant que j'ai même pas rien. Oui, c'est clair. On a même pas vérifié ça. Personne ne nous a appelé, c'est bon. Ils sont aussi nuls que nous. Bon, je vous donne pas tous les détails quand même, je vous donne le principal. Vas-y. Avec bonne celle-là. Avec... Faudra la réécouter dans le podcast. Ah ouais, qu'on peut retrouver sur indestar.fr. Ah ouais, et ne la ratez pas, réécoutez le podcast, franchement. Voilà, faut pas la rater en effet. Maintenant, vous savez que 3 plus 3 plus 3 plus 1, ça fait 7. Thierry va pas s'en remettre, il est mort. Oui, le donc 7, vas-y, on savait que le 7 était un chiffre miracle, mais à ce point-là. C'est pas pour rien que c'est mon porte-bonheur. Tous les chiffres mènent le 7. Oui, c'est ça. Car à un 7, tu peux avoir un 10. Ah, ça me rappelle une histoire. Une fois, une prof à l'école qui s'était plantée dans une démonstration mathématique. Comme tu viens de faire. Et qui nous avait démontré que 1 devait être égal, en gros, à 3524, tu vois. D'accord. Ah. On peut en revenir à notre jeu peut-être. Voilà, peut-être. Oui, c'est maintenant tout ça vient. Dommage. Avec le 5, tu fais avancer. J'avais une super anecdote. Voilà. Avec le 5, tu fais avancer un pion de l'adversaire. Ouais. Avec le 4, tu fais reculer. Non, c'est théorie, oui. T'es exact, tu fais reculer 2, 4, 15. D'accord. Donc voilà le principal parce qu'il y a plein de règles. Ah, ça a l'air sympa. Faut s'entraîner quoi pour pas se louper. Souvent dans les jeux, faut jouer en fait. Oui. Faut jouer pour dans les jeux, faut jouer. Et puis au bout d'un moment, tu t'en fous des règles, c'est les tiennes qui Allez, ça, ça s'appelle le Uno, ça, pour ce jeu. Vous en faites encore chacun un avant de. Ouais. Ça va de combien à l'apéro ? Alors maintenant, j'ai encore 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11. Bah, je vais prendre le 10 parce que c'est double du 5. Non, mais c'est déjà dit. C'est déjà dit, on vient de faire le 10. Le 8. 8, il est libre. Parce que j'aime bien le 8. D'accord. C'est rond le 8. Ah, je peux te répondre tout de suite pour le joueur Iniesta. Ouais, bien, bravo. C'est bien parce que je suis en train de l'oublier, moi. Hein, c'est très bien ça. Ah, le joueur. Oui, bah forcément, je suis obligé de réfléchir. J'ai à côté. Cru que t'avais dit une des stars. Alors, je crois ça. Enfin, non, je connais pas. C'est pour ça que je l'ai prise, genre. Mais j'ai un plateau. Avec un joli dessin dessus, je saurais pas dire comment ça s'appelle. Et dessus, il y a des pions. Alors, il y a deux types de pions. Majoritairement des blancs et quatre jaunes. Les blancs, en fait, c'est des espèces de moutons ou des chats, je sais c'est pas. Ce sont des chèvres. C'est bien. Ce sont des chèvres, ouais, c'est voilà, bien, c'est bien ce que ça semblait. C'était pas loin. T'as plein de chèvres et t'as quatre loups. Alors, ce sont pas des loups, mais sur le principe, ce sont des tigres. Ça s'appelle un jeu de chasse. Ah ouais, carrément. Oui. Nous, on a des chiens et eux, là-bas, ils ont des tigres. Alors, c'est un jeu du Népal, encore en Asie, qui s'appelle ça m'étonne pas. Le Bag Chal. Le but, c'est soit de bouffer les agneaux, soit de défoncer les tigres. Alors, c'est soit, oui, pour les tigres de... Qui de mange bouffer, qui les chèvres. Mais les chèvres peuvent se défendre en immobilisant les tigres. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus nombreux. D'accord. Si le tigre ne peut plus bouger, eh ben, il est niqué. Et comment tu joues ? C'est par rapport au plateau ? Parce qu'il y a un plateau en dessous, mais je comprends pas. Eh ben, écoute, je t'invite à te renseigner sur les règles du jeu, parce que sinon, on va y passer la soirée, hein, même la nuit, et puis la nuit prochaine. Donc, je t'invite à... D'accord, à te renseigner. Tu m'invites à fermer ma gueule. C'est ça. Et à revoir les calculs. Voilà. Alors, tu veux tirer au sort ou tu veux un chiffre ? Numéro 3. Numéro 3. Ah, celui-là, il est intéressant. Tu vas t'abuser à nous le décrire, celui-là. Alors, c'est un jeu de boules, je dirais. Mais après... De billes. Ouais. On dirait un mastermind. Ouais. En gros, il y a deux couleurs de billes. Il y a rouge et bleu, apparemment, de ce que je vois. Et... Oui, ça peut être bleu. Deux jeux de... Turquoise. Oui, ouais, deux couleurs différentes en effet. Il y a cinq lignes, donc il y en a deux lignes qui sont totalement rouges, deux autres qui sont totalement turquoises, et sur celle au milieu, il y a. Alors c'est des colonnes, non ? Oui, colonnes. Mais ça a l'air d'être relié en croix. Ouais. Oui, pour indiquer les déplacements possibles. D'accord. Alors c'est un jeu qui nous vient de Madagascar. D'accord. Et qui s'appelle le Fanorona. Ça doit certainement vouloir dire quelque chose de ouais, sans doute. Ouais, le 3, numéro 3, au fait, Kevin Maldini. Oui, bah oui, c'est logique. Défenseur. C'est obligatoire que. Défenseur légendaire du Milan AC. Ouais. Donc. En même temps, alors, on va pas te contredire. Hein, c'est, un jeu, c'est un jeu qui a quand même des caractéristiques, c'est complètement unique. Au lieu de passer une heure à vous le décrire en radio, je vous propose vraiment de vous renseigner dessus. Ça fait deux jeux d'affilée qui dit allez, ouais. Non, mais c'est le hasard qui fait ça. Parce que le public peut intervenir. What? C'est un jeu qui peut se jouer en public. Océane, oh, t'es où? Ça peut être fun, ça. Et la prise des pions adverses se fait soit quand tu te rapproches, ouais, soit quand tu t'éloignes. D'accord. C'est vraiment des trucs... donc d'accord. Je voulais vous en parler parce que, franchement... Quand je l'ai regardé, je me suis dit, non, si je commence à parler d'un truc, je vais parler d'un truc, d'un autre truc. Alors je me suis dit, on va faire simple. Au final, on va parler de plein de trucs. Voilà, et on va se compliquer la vie. Et puis les gens qui nous écoutent vont se dire, mais de quoi ils nous parlent, on ne comprend plus rien. Donc le mieux, c'est, et même si vous connaissez un malgache, demandez-lui. Parce que c'est un jeu qui est très très populaire là-bas sur l'île. Hein. Ok. Certes, j'ai un bon renseigné. Oui. Après, ce qui est populaire chez nous, c'est la musique. Oh bah ça, c'est partout. Hein. Oui, bah ça va. La musique malgache, attends, on en a pas eu ? Non, on en a pas eu, je crois. Alors là, je pourrais pas te dire, Teddy. Non, mais on avait reçu un artiste, Lune of Atlantis. La Réunion. Ouais, Réunion. Ouais. Bah d'ailleurs, on lui fait des coucous. Oui. Ouais, ouais. C'était génial, si vous voulez réécouter le podcast, bah, il est disponible. En tout cas, on va voir Yorm, Pumped Up Kicks sur Indestar. Teddy, le plus boulanger des animateurs de PK Avenger jusqu'à 23h sur Indestar. C'est vrai que Kevin en boulangerie, moins. Sur Indestar, et c'est vrai que je confirme, moi en boulangerie, c'est beaucoup moins bon que Teddy. Mais tu restes une bonne pâte. Ouais. Oh. Mais dis-moi, Teddy, t'as fait boulanger parce qu'il y a ange dans le mot boulanger pour être un ange ? Ne mélange pas ange et boulanger, ça va pas ensemble. Hors de question que j'associe ces deux trucs-là ensemble. Mais par contre, bon, on va peut-être revenir à notre petit jeu quand même. Ouais, on va continuer notre tour du monde. Oui. Boulanger ou alors un petit bout qui est langé. Enfin, t'as pas l'histoire de bébé. T'as déjà langé ton petit bout, Teddy ? Il te reste quoi comme numéro, non, Daniel ? Il y a une histoire comme ça, si vous voulez en savoir. Boulanger, en fait, c'est le gars qui fait des boules. c'est con, hein, mais le boulanger, c'est celui qui fait des boules. Avec de la pâte. C'était des boules, ouais, de étymologiquement parlant, c'est ça. Tu sais que c'est très plat aussi en anglais parce que baker, c'est celui qui cuit. Ouais. D'accord. Le cuiseur. La cocotte minute. C'est, voilà, donc c'est con. Hein. Mais bon. Bon. Donc en numéro, il te reste quoi, Daniel ? Ah bah attends, il y en a un qui tire au sort, on verra après. Oh, c'est cool, j'ai moins de temps pour réfléchir. Le number one, parce que. Number one. Quand même, je m'invite. Hein. Bon. Un gardien de foot, number one. Oh, on dirait un circuit électrique ou. Ah non, un plan du métro ou. Avec les différents arrêts. Oui, Buffon, quasi. Alors, il y a quoi ? Il y a trois. Il y a Yachine qui a été le seul ballon d'or. Ouais, on vient bon. Il y a trois lignes et ça fait une trentaine de cases. Il y a un circuit qui va de la première case à la trentième. Ça te rappelle peut-être quelque chose sur ce que tu nous as décrit en jeu tout à l'heure ? Un jeu de loi, mais sur trois lignes, quoi. Alors, c'est justement le jeu égyptien dont tu as parlé tout à l'heure, qui s'appelle le Séné, et qui est un genre de jeu de loi, effectivement. C'est et donc ben 2600, d'accord. C'est environ 2600 avant Jésus-Christ. Et bon, le plateau peut être constitué de 3-4 rangées. Voilà, il faut déplacer les pions le long du trajet. Du circuit. Et, d'accord. Et il y a des cases particulières, comme pour le jeu de loi. Donc, genre celle-là, ouais, on te coupe un doigt. Ça doit être un développement de ce que l'on a vu dans le premier jeu qui avait 3 rangées de 6 cases. Bon, ben voilà, là, il y en a un petit peu plus. Il y a 3 rangées de 6 cases. Absolument, oui. Donc, avec un circuit. Et il ouais. Y a des cases sur lesquelles c'est bien de s'arrêter et puis d'autres pas parce qu'on tourne au départ comme le jeu. Ça a un début de jeu de loi. Voilà, très bien. Alors, 2, 6, 9, 11. Bon, allez, le 11. Ah, c'est le rigolo. Enfin, non, c'est pas le rigolo. Il va être rigolo à décrire. Ah ouais, effectivement. Donc, on est sur un plateau. Il y a... C'est une rosace, c'est ça qu'on dit ? Une étoile, plutôt. Une étoile ? Ouais. Ton étoile est bizarre, quand même. Non, mais ça... Bah, elle a plein de branches, surtout. Ouais vu que 8 branches... Mais c'est pas une rosace non plus, hein. C'est combien, alors ? Ça peut être un genre de rosace. Enfin, ouais. C'est une étoile à 8 branches, on va dire. C'est ça. Ah. Donc, c'est séparé en deux couleurs. Sur les 4 branches, partie haute, c'est couleur blanche. Et sur les 4, qu'on peut dire plutôt partie basse, c'est couleur noire. Mmh. Au centre donc de l'étoile ou de la rosace, c'est violet. C'est la case de vide, c'est la case libre. D'accord. C'est la reine. En gros, on va en prison si. Non, pas du tout. C'est un jeu néo-zélandais, donc jeu traditionnel maori, qui s'appelle le Mutorere. Mmh. Mutorere. Bien d'accord. Sûr. Voilà. Alors, pour y jouer, donc c'est une étoile à 8 branches qui s'appelle le Papa Takaro. Papa Takaro. Voilà. À tes souhaits. Donc il y a le point central. C'est Papa Tapointe. Qui s'appelle le Puati et il y a 8 pions, donc blanc et noir. Pour gagner, il faut immobiliser tous les pions de son adversaire. Ouais. Mais attention, attention. Mmh. Donc le premier va sur la case du milieu. Ouais. Mais après, pour bouger un pion, il faut bouger un pion qui est à côté d'un pion adverse. D'accord. Voilà. Un pion peut se. Pardon. Un pion peut se déplacer sur une case libre s'il est à côté d'un pion adverse. Donc c'est hyper stratégique, contrairement à ce qu'on pourrait croire au départ. D'accord. Donc c'est pas un jeu si stratégique. Simple. Voilà. Teddy, 2, 6, 9. 6. En joueur pour le 11, Neymar, évidemment. Ah, ça tombe bien. Peut-être que tu le connais d'ailleurs. Moi je connais. Ah. Ah, c'est le Shogi. Exact, c'est ça. Exact. C'est le Shogi, donc c'est un jeu japonais ou chinois? C'est chinois là. C'est japonais. Oui. Ah, mais là, c'est chinois. Japonais. Là. C'est japonais. C'est... Non, c'est japonais. Ça, c'est japonais? Oui, c'est japonais. C'est les kanji là? Non, c'est japonais. Ah, je te l'assure. Alors, ah, une des particularités, alors, le jeu de base se joue sur un plateau de 9 cases par 9 avec 20 pièces. Ouais. Ce qui fait. 9 x 9, 80. Oui. Alors, c'est bien, Daniel. Il y a plus rigolo quand même. Un plateau de 12 cases par 12, il y a donc des variantes qui ont existé. Ouais. Avec 92 pièces. Ouf. Ouais, t'as même des. Bah, en fait, le plateau n'est pas forcément défini, on va dire. T'as plein de formes de shogi différentes. Il y a des plateaux en rond aussi que j'ai déjà vu. C'est. Enfin, c'est plus complexe, j'imagine. Hein. Ouais. Voilà. Mais ouais, il y a plusieurs formes. Et c'est vachement stratégique. C'est un... Enfin, je vais pas dire que ça ressemble aux échecs, mais un petit peu quand même. En plus complexe, je trouve. Mais. Ouais, alors 12 par 12, je réponds à la question avant qu'on me la pose. 144. Ah, j'ai oublié de demander. Il a eu un doute. Numéro 1. De quoi? Numéro 1 en foot. Mais je dis tout à l'heure, Navi Yashin, Iker Casillas, Teddy Adi Buffon. Ouais. D'accord. Toi-même. Au 6, en 6, tu mets quoi? Xavi Hernandez. Par exemple, par exemple. Par exemple. Bon, si j'en ai oublié un, tant pis. Aucun joueur connu. Tant pis. Et il y a eu aussi, a existé un plateau de 25 cases par 25. Avec 354 pièces. Oh, oh, la violence. Et 25 par 25, je me rattrape pour mon 3 plus 3 plus 3 plus 1 plus 7. Ça fait 525. Et c'est d'accord, là qu'on voit que dans ce genre de jeu-là, c'est, ça renvoie aussi au jeu de guerre, entre guillemets. Aux stratégies de guerre que tu peux mettre en place au shogi, entre guillemets. Tu réfléchis, chaque pion a une possibilité de se déplacer, tout ça. Enfin, c'est aussi complexe ce truc. Hein. Alors, comme vous avez pas voulu prendre le numéro 9, on va finir avec, ça m'arrange. D'accord. Qui veut prendre le numéro 2? C'était numéro 2, Kevin. 2. Le 12, tu sors. Non, est-ce qu'on peut décrire et après on revient dessus? Vu que là, dans l'immédiat, j'ai personne qui me vient à l'esprit. Bon, d'accord. J'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque chose qui ressemblait à ça. Peut-être pas avec, avec autant de cases. Alors, comment est-ce qu'on va dire? Ça ressemble... Alors, c'est un, quelque chose en bois, un coffret en bois. Quand on l'ouvre, ça ressemble à un haricot quand on l'ouvre, avec des trous à l'intérieur. Et il y a... C'est qui, haricot? Alors, je vais donner un indice. C'est un jeu africain qui s'appelle, alors, Avalé ou Avoualé, je sais pas. Oui. Ouais. Et justement, qui s'appelle le jeu des semailles. Oui. Parce que très souvent, on joue avec des graines. Alors, ça doit être ce qu'on m'a montré. Par contre, je n'ai jamais joué, mais je l'ai déjà vu quelque part. Alors, c'est un jeu où le but est de piquer les graines à son adversaire et d'en avoir le plus possible. D'accord. Donc, après, il y a différentes formes. Là, bon, c'est une forme à, je crois, 6 trous sur 2 rangées. Et après, il y a différentes façons de jouer avec plusieurs graines, avec un nombre. Graines de tournesol, graines voilà. De lin. Aussi avec 4 graines, 5 graines, 6 graines. Là, ce sont des graines assez grosses qui ont la taille des olives. Voilà. Et finalement, sans le faire exprès, ils ont gardé. Ah, mais je suis bête. Ouais. On joue contre le numéro 2. Ouais. Dani Alves. Ah, bah voilà, encore un espagnol. Voilà. Non, un brésilien. Bon, c'est un espagnol brésilien alors. Chef. Après 3 plus 3 plus 3 plus 1, ça fait 7. Brésilien et espagnol. Vous aurez des choses à réécouter dans le podcast sur indestar.fr. Tu sais, les Brésiliens, selon comment ils sont déguisés, c'est pas ce qu'il y a en dessous. Indice, Teddy. Ouais, oui, alors, c'est vrai que c'est un problème. Numéro 9, je dirais que c'est un jeu d'Amérique latine. Exact, j'allais dire indice Pérou, justement, Amérique c'est latine. C'est facile pour vous. C'est un jeu de chasse, ça s'appelle un jeu de chasse. Bah, ouais, t'as un seul pion qui est différent et tous les autres sont tous. Ah non! Non, non, t'as des gens avec tu des fusils ou des trucs du genre? Ah, je sais pas. Genre c'est en arme! Alors. Si, c'est peut-être tous les mêmes pions en fait. Sauf le 1 qui est tout seul. Non, mais c'est ça. Et t'as un plateau pion, évidemment, et j'imagine que y a un pion tout seul. Numéro 9, Kevin, pour le. Plus grand attaquant de tous les temps. Ronaldo le brésilien. Ouais, le vrai Ronaldo. Oui. Ouais. Cristiano? Non, le vrai Ronaldo le Ronaldo, brésilien. Ronaldo, Nézurio, je sais plus quoi. C'est trop compliqué après. Alors, je vous donnerai le nom après parce que franchement, le nom. Désolé, on est français, ça va faire rire beaucoup de monde. Mais rire bon, les ça. Oiseaux. Donc, il oppose deux joueurs. Donc, ah bah si, je suis obligé de vous donner le nom maintenant. Ça s'appelle le Coucouli. Le Coucouli. Le Coucouli. Le Coucouli. Parce qu'il y a donc un joueur le qui a un pion de framboise. Qui s'appelle. Le Coucouli. Qui s'appelle Loucoucou. Et un joueur qui a 12 plombs qui s'appelle les Coucoulis. C'est vraiment de l'arnaque. Hein. Ouais. Les coucougnettes. T'imagines, t'es le joueur qui a un pion, t'es triste. Ah, la tristesse. Ah. Alors, ce jeu est basé sur une légende de l'enlèvement d'une femme qui s'appelait Coucoulis. D'accord. avec un nom pareil. Qu'est-ce que tu vas nous trouver un jeu d'enlèvement? Par un dame déguisé en ours qui s'appelle Lou Coucou. D'accord. Lou Coucou. Et le but, c'est de kidnapper un homme ours? Non, le but, c'est que Lou Coucou doit capturer tous les Coucoulis. D'accord. Hein? Et les Coucoulis doivent bloquer Lou Coucou. c'est un sketch. Alors, j'ai tout compris. Ça se voit. Je serais incapable de réexpliquer. Je vois un grand carré avec plein de déplacements sur tous les points cardinaux. Donc j'imagine qu'elle peut se déplacer comme ça. Et oui, il faut l'encadrer d'une certaine manière. Genre mettre 4 pions autour. Voilà, faut que les Coucoulis encadrent le coucou. Les Coucoulis. D'accord. Alors juste pour finir, je vais faire un petit point pour dire que on a des jeux de plateau, mais on peut jouer quand même dans d'autres conditions. Alors par exemple en Mongolie, les jeux sont souvent symboliques, tournent autour de la symbolique de la chasse et de l'élevage. Et au Sahara, il n'y a pas de jeux de plateau. Enfin, ils n'ont pas de plateau. Ils jouent justement dans le sable. Ils créent le plateau. Ils jouent sur les plateaux du sable. C'est vrai, quand tu pisses sur la plage et que tu décides, ils font pareil. Hein. Ils jouent au morpion, mais d'une autre manière. Oui. Donc voilà, de mon tour du monde que je vous ai proposé. Et nous sommes aussi sur un plateau. Et en France, en jeu traditionnel, t'aurais quoi? Les dames. Les dames, t'aurais? Les dames. Ouais. D'accord. Ah, ouais, c'est vrai. Pourquoi les dames, parce que bon, c'est pas que français apparemment. C'est beaucoup européen quand même. Ouais. Mais oui, en France, les dames ou les petits chevaux, j'aurais mis. D'accord. Et les variantes, qui perd gagne. Donc, après ça, Thierry, on va aller faire un tour en Angleterre aussi. Oui, alors les jeux que j'ai ne sont pas forcément tous fabriqués par les Anglais, mais en tout cas, ils sont pour apprendre l'anglais. Mais avant ça, on va voir Nuno Cazeis, Wicked, qui est de Imagine Dragon, il me semble. Oui. Est-ce que c'est Steve Wicked? Ça veut dire naufragé, Wreckage. Je pense, en tout cas, c'est sur Indestar. Peck Avenger, c'est comme dans Duke Dumpkin. Oh ouais, c'est l'heure de botter des culs. Mais en différent. Nous sommes sur Indestar, donc pour Peck Avenger 2.0. C'est l'heure de te faire botter le cul. Alors, vu ce que Thierry a sorti, je pense que je vais pas passer un très très bon moment. Vu que vous ne voyez pas, mais Thierry a sorti beaucoup de jeux pour apprendre l'anglais. Oui, alors on peut le faire avec des choses qui prennent de la place comme des jeux de plateau ou des cartes tout simplement. Il existe énormément de jeux qui tiennent dans une petite boîte de cartes. Et notamment, alors quelque chose que je n'ai pas apporté ici parce que je me suis rendu compte que je l'avais laissé dans l'assaut, mais peu importe, il y a une série de cartes qui s'appelle les cartes à Toto. Et en fait, ça s'achète par deck, donc avec des thèmes. Et en fait, je n'ai pas la totalité, mais je dois avoir 4 trucs sur 5. Et ce qui est bien, c'est que quand on commence à avoir une bonne quantité, on se retrouve avec des cartes qui vont désigner des noms, des cartes qui vont être sur les verbes, d'autres qui vont être sur les pronoms. Et donc, vous pouvez, avec les cartes, en les disposant, apprendre à faire des phrases. D'accord. Le principe au départ, si vous achetez un deck, vous apprenez par exemple les mots de la nature ou d'autres choses. Ouais. Alors ce sont des cartes sur lesquelles il y a des dessins, donc qui représentent des choses de la vie courante. Et d'un côté c'est écrit en français, de l'autre côté c'est écrit en anglais. Donc vous pouvez apprendre de différentes manières. C'est comme ça que sont nées les blagues de Toto, en fait, en assemblant des mots. C'est Toto qui est Toski qui arrive. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle les cartes à Toto, c'est un seul mot, mais en tout cas j'aime bien ce truc parce que je l'utilise avec les enfants comme les adultes comme les personnes âgées, enfin je veux dire ça marche avec et il va même l'utiliser avec nous. C'est Daniel. Les cartes sont de la taille de cartes à jouer, mais elles ont des couleurs, c'est-à-dire que des couleurs conventionnelles pour la nature, tout ce qui est nature, par exemple, ça va être vert et d'autres choses. Et après, pronoms, il a fallu choisir autre chose. Donc, ils ont fait ressortir en orange les cartes avec les pronoms. Mais je sens que franchement, pour apprendre déjà du vocabulaire, bon, pour s'amuser, dire, est-ce que je me rappelle, tiens, puis ça c'est nouveau, machin. Mais après, pour apprendre la place des mots, parce que vous avez aussi des cartes qui représentent des compléments dans ma chambre, pas simplement chambre. In my room. Voilà. Vous allez, voilà, vous allez avoir plein de choses. Et je me dis, ben oui, j'apprends à placer, à voir ce que ça devient quand je mets la forme interrogative, la forme négative, etc. Et ben voilà, ce 2-3 paquets de cartes, ça tient limite dans une poche et on peut se trimballer avec ça un peu n'importe où, quoi. Je me dis, même dans la voiture, si les enfants savent pas quoi faire quand on part en vacances, ils peuvent. Et si on apprenait l'anglais Ouais, c'est ça. Faut pas leur dire ça comme ça, faut leur rendre ça un peu plus. On va jouer aux cartes. Ouais, là ça peut passer, ouais. Oui, en tout cas, moi, je fais un petit coucou à Enzo que j'ai vu tout à l'heure parce que je fais des cours particuliers chez les gens. Et j'ai un petit élève de 6e qui est vachement sympa, qui est très ouvert. Les parents aussi sont très ouverts. Donc, je lui fais découvrir d'autres manières d'apprendre que celle de l'école, si vous voulez, pour essayer de développer ses connaissances et puis, en fait, de lui donner envie d'apprendre encore plus. S'apprendre et s'amuser à apprendre, voilà. Apprendre en s'amusant et s'amuser à apprendre l'envie d'avoir envie, comme chantait Johnny. À part des cartes, vous avez des choses qui sont toutes simples. Quand on parlait de loto tout à l'heure, vous avez des cartes, par exemple des carrés qui sont décomposés en 9 cases. Et chacun a un carré avec 9 mots. Et puis on pioche les petits carrés correspondants et on voit pour qui c'est. Alors, vous avez vu, c'est comme le Sudoku, il y a 9 cases. Oui, c'est bien, Daniel. Et alors on a le dessin et le mot en anglais. Là, il n'est pas écrit en français, mais on peut jouer avec des enfants très très jeunes. Et vous voyez, on va passer directement par le mot anglais, mais il a le dessin, donc il sait très bien ce que c'est. Alors, vas-y, donne-moi une carte. Je vais voir. Par contre, ce que j'ai trouvé de Vislard, parce que je me suis dit, oh, bah, c'est un petit jeu mimi pour les petits-enfants, pourquoi pas. Mais en fait, quand on regarde toutes les cartes, eh bien, il y a des mots qui vont être présents sur plusieurs cartes. Ça veut dire que vous n'avez qu'un petit carré, par exemple, qui va s'appeler cow, la vache, mais il pourrait être placé sur 10. Et voilà. Et donc, le premier qui le pioche, eh bien, il complète sa case et les autres ne pourront pas compléter. C'est vachement salaud. Il y en a quelques-uns comme ça. Il y en a pas beaucoup, mais j'ai marqué. J'ai dit, tiens, il y en a qui sont représentés plusieurs fois, mais il y a, ça n'existe qu'une fois. D'accord. Donc, c'est pour apprendre aux jeunes enfants à devenir vicelard très tôt. Vous voyez, c'est marqué âge 5 à 8 ans. Moi, j'utilise ça avec tout le monde. Je vous dis, c'est ça marche. Même avec nous. Alors, c'est vous dire. Je viens de réaliser un truc. Oui, t'as dit. C'est horrible. Tu as dit cow, qui veut dire vache. Cowboy. Oui, alors très intéressant. Garçon de vache. Oui. J'ai expliqué tout à l'heure justement à Enzo que les cowboys, donc à l'origine travaillaient dans les fermes et s'occupaient des vaches. Et après on a été chercher les chevaux sauvages qu'on a domestiqués. Mais les garçons qui travaillaient dans les fermes s'occupaient des animaux de ferme, donc ont été appelés cowboys. Hein, pourquoi boy, ça vient aussi de garçon, parce qu'on parlait de garçons de ferme et pas d'hommes de ferme. D'accord. C'est pour ça que... mais c'est, tu vois, on idéalise les cow-boys et au final c'est juste un gars qui s'occupe de vaches. Bah, de base, ouais, c'était ça. Allez, hop, dans ta gueule, retourne à la ferme. Qui fait les travaux de la ferme, et à un moment on sort de la ferme pour aller domestiquer d'autres animaux qui vont permettre de travailler encore plus à la ferme, la terre, hein. voilà, tu noteras que j'ai bien dit le H. Oui, c'est bien, Teddy. Un petit jeu de cartes qui a l'air de rien. Il y a 52 cartes, mais avec avec plein d'activités autour de l'anglais. Il faut juste avoir des bons. Il y a des jokers. Regarde, par exemple. Il n'y a pas de jokers dans ce jeu de. Non, c'est pour ça. Alors, ça fait pas 52 cartes. Faut que je fasse ce qui est dit. Ben, regarde ce qui est dit, parce qu'il y a plein d'activités différentes sur la prononciation et sur plein d'autres choses. D'accord. Ne contente-toi pas de les lire. Explique tout ce qu'on demande. Alors, par exemple, de faire. Parce là, que... sur la première, il y a fais danser ta langue. Fais danser ta langue. Alors voilà, c'est de prononcer ce qu'on appelle des tongue twisters, des tor langues, des choses qui sont sur lesquelles on va fourcher à force de les prononcer. Tellement les sons sont proches, les seuls, les cheveux, vous savez. Bon. Par exemple, 17, slimy, slugs, sat in shiny socks. Par exemple, et on doit le dire de plus en plus vite. Ouais, alors ça, je m'y risquerais pas, perso. Et donc on parle de des trucs visqueux là, pas les escargots mais les les loches, les slugs là, c'est, ouais. c'est limaces. Voilà. Ouais, des limaces, ouais. Voilà et donc qui sont slimy. Alors le slime, vous savez, c'est le truc collant. Slime, c'est, ouais, donc, c'est de la pâte molle. Donc des loches visqueuses là et je sais plus où est-ce qu'elles vont. Slug slime. Slug slime, c'est une shiny socks. Ah oui, elles ont des chaussettes, chaussettes brillantes. Shiny, on connaît bien grâce à Pokémon. Oui. C'est vrai que oui. Un Pokémon brillant, c'est un Pokémon d'une couleur peu naturelle comparé à ce qu'il y a dans la nature. Et dans le même genre, vous avez des phrases comme « She sells seashells on the seashore ». Elle vend des coquillages au bord de la mer. Bon, ce qui est tout à fait possible, mais vous avez d'un che, un se, un se, un che, bon, etc. C'est et de la violence. Vous avez une devinette par rapport à des sorcières qui portent toutes des montres et qui les regardent. Ah, et on a six The witches, Witch Watch... Watch. Watch, et il faut chercher quelle sorcière regarde quelle montre. Witch, witch, watches, witch, watch. Voilà. Alors, okay. C'est que des watch, witch, witch, mais on finit par faire des chouches. Bon, vous remarquerez qu'après mes très bons calculs de maths, j'ose plus me lancer en anglais. Hein. Non, je crois que ça vaut mieux en même temps. Échec critique de Daniel. Ouais. Daniel, toi qui aimes bien chanter, il y a des cartes qui s'appellent chantons. Oula. Ouais. Alors je sais pas, là faut avoir des bons yeux, c'est écrit assez petit, je sais pas si tu vois. Ah, moi j'ai des bons yeux. Ah non, c'est une blague. Non, ça va le faire. C'est bon, ça. Eh bien maintenant, chantons est marqué dessus. Ouais. D'accord, vas-y. Je lis, vous m'excuserez. Vas-y, on t'excuse. À toi de chanter ce chant de Noël. Si tu ne connais pas l'air, fais une recherche sur Internet. Ah bah si, je connais. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun is... It is to ride in a one horse open sleigh. Oh, jingle bell, jingle bell. Le début je connaissais, mais la fin non. Sonne les cloches. Oh, comme c'est marrant de faire de la luge. Enfin, vous voyez. Bon, on aurait pu dire Sonne Daniel. Voilà. Voilà. J'en ai une autre dont l'air est très connu, c'est Old MacDonald had a farm. Ia ia o. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Moi, je suis comme Teddy, je connais le ia ia. Pareil. C'est tout ce surtout que je connais. Surtout les chansons anglaises, on connaît tous. On sait le chanteur en yaourt. On peut découvrir aussi l'anglais à travers la chanson, mais comme je disais aux jeunes, si t'as une chanson que t'aimes bien et qui est en anglais, ben on peut l'étudier aussi. Et puis si des textes même, que ce soit même de rappeurs ou d'autres, si tu veux qu'on aille voir ce qu'ils racontent, on y va. Les Lemon Tree, Oasis ou Fool's Garden. Sans doute. Ouais, d'accord. Ça, voilà. Mais bon, je sais qu'il fallait la traduire en français et il fallait la chanter après. Alors en français non, mais ça donne pas très haut en français. Hein. Bon, il y a plein de choses sur des thématiques aussi. Tiens, si tu veux regarder Teddy puis nous dire un petit peu ce qu'il y a dedans. Amuse-toi Teddy aussi. Déjà, je vois que les cartes sont très colorées. Oui. Elles ont tous des encadrements différents en fait. Ouais, il n'y a pas un seul qui est pareil. Déjà pour commencer. Là, je suis tombé sur une carte. C'est très riche en décoration. L'anglais. Oui. Merde, c'est la carte d'intro. Sans déconner. Sur les 52, je trouve ça. J'ai vu une carte qui m'intéresse. Il y a les chiffres. D'accord. Prends un flacon de bulles de savon et souffle des bulles. Chaque fois que tu as une suite de bulles, réponds à l'une des questions suivantes. Ah ouais. Ouais, mais ça t'invite. Tu peux y arriver à faire une suite de bulles. Hein. Ça t'invite à t'amuser, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, la première question, imaginons, j'ai fait une suite de bulles. How many bubbles have you blown? Qu'est-ce que ça veut dire cette connerie? Combien de bulles est-ce que tu as soufflé? Donc ça te fait apprendre les chiffres en fait en t'amusant. Voilà, tu vas compter tes bulles en anglais. Ah ouais, puis j'ai retourné la carte et je pensais qu'il y avait des réponses. En fait, non c'est des. On te fait faire une expérience E égale M6 et tu la décris façon déjà bien en anglais. Oui, mais c'est vrai que quand tu retournes la carte, en fait, t'as des petites Z en fait. Genre, how many, combien, bubble, bulle, blow, soufflé, parce que blow, je savais pas pour le coup. To burst, ça doit être la deuxième burst question. Burst éclaté. How many bubbles did you burst? Ouais. Donc, oui, combien de bulles as-tu éclaté, comme tu disais, Thierry? All bubbles. All bubbles? Because we are nothing bubbles now in the studio. Great job! No bubbles in the studio, bubbles in open space, yeah. Count how many seconds the bubbles is going to last. Putain, j'ai compris. Bah, pas moi. Mais je suis bon des fois. Non, mais tu prononçais ça compté... à l'allemande, mais t'as articulé bien. Il a compté un nombre de bulles qui... Non, combien de temps les bulles vont durer, c'est-à-dire avant d'éclater, en fait. I don't know. Tu souffles des bulles et tu comptes combien de temps, combien de secondes elles durent avant d'éclater. Puis là, j'ai une autre carte, c'est la dernière après. C'est mimer chacun de ses sentiments ou chacune de ses émotions. Alors, mimer à la radio, ça va être chaud. Hein, mais... Ouais, c'est compliqué. Mais pensez une phrase qu'on peut dire quand on est amoureux, tu vois. I love you. I love you, évidemment. Darling. I love you, mais bon, quitter. You love me, but I don't love you. Hein. C'est pour la suite, car il y a trois phrases à trouver. Donc à la suite, ouais, I love you, tout ça, mais je me fais quitter. Oh, bah ça, c'est bête, ça. Donc, si. Pardon ? Donc je suis. Et ben ça devient I hate you. You are alone. You are alone. Alone, mais c'est pas alone. Alors, c'est sentiment, émotion. Lonely alors. Non. D'accord. C'est pas un sentiment ça. C'est un sentiment qu'il nous faut. Bah c'est sentiment ou émotion. Sad. Sad. I'm sad. Triste. Ou I am sad. You are marquis of sad. Apparemment. Ça prend un E avec le marquis. Et mais après, je me suis remis en couple. Du coup, j'étais. You're happy. Happy. I'm happy. I'm happy again. Oh et happiness. No. C'est ça. Mais oui, voilà. Donc oui, effectivement, t'as plein de petits trucs à faire avec ces cartes. C'est très sympa. Oui. Oui. Et puis par rapport à la vie, tu vois, tu te prends un râteau. Tu... oui. Alors, il y avait pas cette histoire sur la carte. Non. Tu roules une pelle, tu te prends un râteau. Enfin, c'est du jardinage, quoi. C'est vrai. Ça. D'ailleurs, est-ce qu'en anglais, on se dit prendre un râteau. Oula. Non, on dit pas cette expression-là. Non, les expressions, c'est. Non, il y a qu'en France qu'on a des expressions farfelues comme ça. Non, mais il y en a beaucoup. Mais j'ai pas étudié ce domaine-là, mais. Ah, je comprends. On voit un dernier petit jeu, Thierry. Ce qu'on appelle les. Alors dernier, ouais. L'avant-dernier, non ? Non, il y a quelque chose qui est très sympa. Alors là, c'est des coffrets qu'il a fallu acheter en complément les uns des autres. Mais d'accord. Quand on a tout, eh bien, on peut faire les courses en anglais. Regardez ce que j'ai dans les mains. Un caddie. Des caddies. Alors, vous avez des caddies vides. Moi, je vous donne des caddies vides. Vas-y, d'accord. Je prends un caddie vide. Vas-y. Je prends le rouge. Mais en fait, quand on va faire les courses... Et moi, j'ai l'orange. Hein ? Quand on va faire les courses... Oh non, je veux l'orange. Bah, tiens, moi, je voulais le vert. Ils vont me faire chier toute la soirée. C'est clair, juste pour la couleur. Ouais, mais le vert, il me plaît pas, celui-là. Bah, m'en fous. Tu voulais le vert. T'as eu le vert à moitié vide. Bon, oui. Et moi, je suis à moitié quand plein, on va faire les courses et on est organisé, on a la liste de courses qui est en anglais. C'est insultant, ça. Je suis organisé, je fais pas de liste. Donc, vous avez une liste de courses où il y a les mots en anglais et ce que vous achetez est dessiné aussi à côté. D'accord. Parce oui, que vous apprenez l'anglais. Bon, voilà. Alors, je vais donner une liste chacun. Il y en a 6 au total dans le jeu. Donc, on peut jouer jusqu'à 6, si vous voulez. Ouais. Et donc, par rapport à ça, eh bien, vous allez avoir l'autre coffret que j'ai fourré. Si on joue à 3, on peut prendre 2 caddies et 2 listes. Et donc, c'est encore comme tout à l'heure. Il faut piocher, en fait. Donc, il faut retourner. J'ai tout ce qu'il y a dans vos listes, mais d'accord, on va retourner face cachée. Et on va piocher chacun à la suite. Et en fait, ben, on va devoir nommer ce que l'on pioche et voir pour qui c'est. Okay. D'accord. Et vous remplissez, quand vous avez quelque chose qui est pour vous, vous le mettez dans votre caddie. Ok, voilà. Alors ça. Je prends tout et je... Ah non, ça marche pas comme ça, Teddy. Voilà. Ouais, donc, bah vas-y. Après, quand faut payer la note, je te dis pas. Ah c'est bah ça, tiens, je savais que j'étais né pour être boulanger. A bread. Ouais. Franchement, si celle-là, je l'ai pas vue. On dirait presque brioche, parce que c'est un pain plus, moulé. Il l'a c'est sur vrai. Sa liste en plus. Mais bien sûr que j'ai sur... C'est ça qui est exceptionnel. Si ça, c'est pas un signe du destin. Ah ouais. Donc... Pick up one. Yes. Ah bah t'as pioché ton voisin. Ouais. A beer. Teddy. C'est ça. Oui. Teddy beer. Teddy beer. Pas oui. Beer, c'est pas de la Teddy bière. Beer. Ah merde, oui c'est vrai. Ah bah ça je sais pas ça. Ah non c'est pas. Non. Alors qui est-ce qu'il a le Teddy? Est-ce qu'il est dans vos listes? Est-ce qu'il y en a un qui Teddy. Il est dans une des listes qui n'a pas été. Évidemment distribué. Ça tombe sur moi en plus. Try again. Savez-vous pourquoi le nounours s'appelle un Teddy? Yes. C'est pas en Amérique déjà que c'est né. It is because Theodore Roosevelt. Oui ça vient de Theodore Roosevelt. Story of nounours de Theodore. Yes Milord. Roosevelt ou qui ressemblait à Theodore Roosevelt, mais il y a quelque chose avec Theodore Roosevelt. Non, il a empêché une ours femelle de se faire tuer parce qu'il a vu des petits. Ah ouais? Theodore J'avais Roosevelt avait des petits? Non, les petits de l'ours. En fait, comment dire, ils étaient à la chasse. Parce il a vu la grande ours, mais celui d'observer les. Et il a vu, oui. Peut-être. Ils ont vu un ours, et du coup ils étaient partis pour le chasser. Et je crois qu'ils ont dit non, tirez pas parce qu'il y a un bébé. Du coup, ils ont pas tué la maman parce qu'il y a un bébé. Je crois que ça venait de ça. Je crois que c'est une histoire comme ça. D'accord. Bah, allez voir sur Google. Ah merde, je croyais qu'il est confirmé. Google Star. Je vais le dire en anglais parce que je sais. Ouais. An apple. Ah, facile. An apple a day keeps the doctor away. J'ai l'Apple 6 SE. Non, mais tout nous ramène à Teddy. Hein, ouais, ouais, c'est impressionnant. Le pire, c'est que Apple, c'est Kevin qui l'a. Ouais, c'est moi qui l'ai. It is the green apple, certainly Granny Smith. Ouais, it for me. Et c'est pas Apples? Si, il y en a plusieurs. Ouais. Hein. Bah là, il y en a deux. Attention, en tout cas. T'as perdu. Sinon. Bon, moi, j'ai pas dépensé de sous. Mon caddie, il est vierge. Ouais. Bon, bref, vous comprenez. Vous avez compris le principe. Ouais, bah j'ai compris que j'ai perdu parce que j'ai rien dans mon caddie, moi. Ouais, j'ai du pain. En d'autres mots, t'es nul. Je vous décris rapidement un jeu sans forcément le faire. Ouais. En fait, il y a un jeu que j'aime bien qui s'appelle My Tailor is Rich. Une des premières expressions qu'on dit quand on apprend l'anglais. Et en fait, ce qui est bien dedans, déjà, ce sont les pions qu'on utilise sur un plateau. Donc, ça ressemble à un jeu de loi. Ils sont aux couleurs de l'Angleterre. Et en fait, on a des bus, on a des cabines téléphoniques. Ah ouais, c'est fou l'Angleterre. Ah oui, c'est ce que tu me montrais tout à l'heure. On a Big Ben, voilà, ouais, en bleu ou en rouge, qui sont quand même assez sympas. Et on a un dé avec différents signes qui correspondront aux cases, et ça pose des questions à la fois de vocabulaire, de grammaire, de culture. On fait des défis, on dessine des choses, enfin il y a plein de choses sympas. J'en profite que tu parles effectivement des bus anglais. Lundi on a fait une émission dans Starter, hein, de 21h à 22h, vous pouvez retrouver le podcast sur indestar.fr, pour dire qu'on a parlé des taxis londoniens, les fameux black cab. Ouais, oui. Oui, si vous voulez entendre des petites histoires, leurs origines, tout ça, et ben n'hésitez pas à écouter le podcast. C'est tout. D'accord. Voilà. Boum. Très bien. Yes, my lord. Et dans le jeu My Tailor is Rich, il y a donc plein de cartes avec des questions, etc. Et en fait, il y a un deck qui est junior et un deck qui est adulte. Alors après, on peut utiliser aussi avec les adultes le junior, c'est-à-dire que si vous voulez faire des choses assez simples, c'est qui sont questions. Assez connues, même au niveau culture, par exemple, quelles couleurs sont les taxis, je ne sais quoi, ça va être plutôt junior. D'accord. Après, il y a des choses peut-être avec des dates, etc., qui vont être du côté adulte. Alors on tente une carte. On peut le faire en équipe aussi, c'est-à-dire que peut jouer séparé ou se mettre ensemble de par. Moi, je l'ai fait dans au CFA dans des classes de 20 personnes, et ils se mettaient 3-4 ensemble, et puis on essayait de mettre quelqu'un qui était fort avec quelqu'un de moins fort. Oui. Et puis quand celui qui était moins fort, il allait genre dessiner quand c'était un défi. Vous voyez, tout le monde avait quelque chose à faire. C'est ça qui est assez sympa. Oui, on peut, je peux vous donner. Balance une carte, une carte senior. Et alors, en fait, lance le dé, puis vas tomber sur un chiffre. Alors sur un symbole, en fait. Alors je suis tombé sur jaune. Le symbole. Alors le symbole jaune. Orange, jaune, c'est justement un défi. Alors en fait, la carte, je la donne pas parce que il y a plus réponse. Ou moins les réponses. Ouais. Donc c'est toi qui lui lis ce qu'il doit faire. Le dernier truc là. Dessine un elbow. Dessine un elbow. Il faut que tu saches ce que c'est qu'un elbow pour pouvoir le dessiner. Elbow, comment tu l'écris? E-L-B-O-W. Comme elbow. C'est arc. Oui. Donc une flèche? Non. Et c'est une partie du corps humain. Ouais, et en fait, quand on se fait une blessure, une espèce d'entorse, on se dit qu'on se fait une tennis elbow. C'est ce que j'allais demander, si ça avait un rapport avec ce. Donc il faut dessiner un muscle. Qu'est-ce qu'un arc? En fait, il faut référence à l'arc, du coup. Tout à fait. Dessine un coude. Et quand on se froisse le muscle, quand on fait une tendinite ou quelque chose comme ça. Parce que c'est pas droit la fibre. On a fait tennis elbow. Je vois, il y a une logique, Mais je connaissais pas le mot, par contre. Bah est-ce que vous savez dessiner un coude? Peut-être vous faites un espèce d'arc, peu importe. Mais voilà, et donc si on a bien fait, qu'on a bien trouvé, on gagne la carte, sinon on la remet dans le jeu. Il y a deux côtés et sur chaque carte avec 4 questions donc qui correspondent aux différents signes. Donc une carte peut servir plusieurs fois. D'accord. Ouais. Et donc Thierry, un jeu beau drop, c'est une descente du coude alors. Peut-être. On peut le traduire. on reconnaît le catcheur. Hein. je voudrais juste faire une parenthèse. C'est comme ça que j'ai je le sais. J'ai une pièce dans ce jeu. Hein, tout à l'heure, Teddy a fait une référence à l'Apple 6. Et ben dans le jeu, il y a l'Apple 0, la cabine téléphonique anglaise. D'accord. Qui s'appelle communément le TARDIS, si vous connaissez Docteur Who. Ça ressemble bien à votre TARDIS, effectivement. Voilà, et donc ce jeu peut être joué à plein d'âges différents. Et moi, je sais que même moi, je ne connais pas tout de la culture britannique américaine. Donc à chaque fois qu'on sort le jeu, j'apprends encore des choses. D'accord. Donc, c'est assez intéressant. Il y a vocabulaire, grammaire, culture. Ouais, c'est sympa. Et en plus, ouais, j'ai trouvé que ça se passait bien en fait avec l'ensemble des gens avec qui j'ai fait. Et enfin, un jeu où on peut jouer même avec beaucoup de gens. C'est vrai, parce que souvent les jeux c'est limité par le nombre de joueurs. Ouais, souvent, hein. Ouais, quand même. J'ai trouvé sympa les idées de jeux que t'as proposé. C'est vraiment. Ouais. J'aurais été au collège, par exemple. Je pense que j'aurais même bien là aimé maintenant, aussi. En fait. Ouais, ouais, mais aussi, ouais. Encore plus au collège, j'aurais adoré apprendre l'anglais avec ça, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est, ouais. Je trouve là, ça je génial, trouve ça fun. Pense... Ouais. Mais on va pas y jouer maintenant parce qu'on est en émission. Mais bon, c'est vrai que c'est vachement regardez fun. Regardez ça, on termine les 2 minutes. On sera 25 minutes en retard ou 3 voire plus. Hein. Oh, on est déjà plus. Dans les cartes. Des cartes carrées, en fait, qui représentent une scène. Ça vous met le nom de la scène. Est-ce que c'est dans la rue? Là, c'est des magasins. Bon, voilà. On voit des magasins. On est dans la rue. Et puis, il y a des mots de vocabulaire. Et puis, il y a plein de choses de couleurs différentes. Il y a des objets, etc. C'est un autre jeu, on est d'accord, qui s'appelle le Brain Box. Voilà. C'est ça. Et en fait, on a, je ne sais plus si c'est 1 minute, enfin, le temps du sablier pour regarder cette carte attentivement. Ouais. Et après, une fois que le temps est écoulé, on ne peut plus la regarder. Tu caches et tu dois tout décrire. On retourne de l'autre côté. Ah ouais. Et en fait, on lance un dé qui n'a que 4 faces. Mm-hmm. Et selon que l'on tombe sur la case 1, 2, 3 ou 4, en fait, on doit répondre aux questions qui sont 1, 2, 3 ou 4. Et il y a 2 questions pour chaque numéro. Donc techniquement, c'est un dé pyramidal. Voilà. Et vous avez en fait dans les questions, elles sont à moitié en français et en anglais. C'est-à-dire que le mot-clé sur lequel porte la question va être en anglais, mais le reste de la question est en français pour que ça puisse se jouer en fait de très bonne heure, même avec des très jeunes. Oui, parce que sinon ça risque d'être vachement compliqué. Ouais, si la question et toutes les réponses. Est-ce que la porte de The Bookshop est ouverte? Bookshop, c'est la librairie. Yes, oui. Vous voyez, donc vous avez observé, vous avez dit, oh là, mais attends, il y avait tellement de magasins. Yes, là, the door is open. Et puis vous avez regardé, combien il y avait de livres. vous avez regardé combien il y avait de livres, ou alors où se trouvait machin par rapport à ça, ou alors il y avait une personne juste à côté, en fait, dont on va pas vous interroger dessus, quoi. Oui. Et puis vous n'avez pas remarqué si la porte était ouverte ou fermée. Ouais. C'est ça. Ça. C'est de l'observation. C'est très sympa, voilà, d'observation. C'est pas que de l'anglais. Hein, d'accord. Et en plus, t'as des petites notes sur la carte quand même. Ouais, de ce que. Sur l'image, t'as des petites notes pour. Comment dire, avec des mots en anglais, j'imagine. Comme ça, tu peux formuler plus facilement tes réponses. Ils sont écrits en anglais en gras et ils sont écrits en français comme en ça, dessous. T'as le temps de les mémoriser aussi. Ouais, comme ça, t'as la traduction au cas où. Il y en a énormément de cartes. Vous avez vu le. Oui, c'est ce que je vois. Il y en a une centaine. On peut jouer le jeu, se dire, bon, allez, on fait les numéros, etc. Et puis pour le plaisir, je veux aussi vous donner les 2, les 3 et les 4. On va faire toutes les questions pour voir qu'est-ce que vous avez retenu. Ouais. Et après, on vérifie. Et ça je l'ai testé. Alors, on s'en fait pas forcément 25 cartes à la suite pour pas avoir la tête comme un chou-fleur. Mais ça marche aussi, hein, on va faire 10 minutes comme ça quand on a un moment. Voilà, on prend un thème qu'on a envie de réviser ou de découvrir. Et puis voilà, vous avez vu, le coffret il prend pas beaucoup de place. Hein. C'est un cube. Hein. C'est un cube. Voilà, et il existe tellement d'autres choses. Et un pendu en classe. Il n'y a rien besoin. Un tableau. Des ardoises Velleda, comme on a une des ardoises qu'on utilisera tout à l'heure pour le quiz. Et une corde pour pendre celui qui. Qui fera le pendu ce qui soir? Qui fera le Jolan? Vous le saurez à la fin de l'émission. Je ne sais pas, mais moi je dirais bien que c'est le temps musical quand même. Par avec Tyler Ward, Oupti Oup. Sur Indestar. C'est vrai, vaut mieux être pendu en musique. Oui. Passe le niveau 2 sur Indestar le jeudi soir dès 21h. PK Avenger, level 2. You win. Bah, ça, c'est sûr que sur Indestar, oui, on passe le niveau supérieur avec les PK Avenger à chaque fois. Ah, y'a aucun doute. Ah, bah, ça. On part de tellement bas qu'on n'a pas de mal à passer. On peut que monter, oui. C'est sûr que oui, Thierry, vu comme ça, on ne peut que monter. Puis même si on partait de haut, on pouvait que monter. Hein. Puis vu qu'on a une soirée jeu, ça tombe bien. En plus, le niveau supérieur, Thierry, tu as des jeux un peu insolites, il me semble. Oui, je reviendrai plus tard sur d'autres jeux de société parce que j'en ai encore. Mais là, en fait, on va aller sur les jeux sport, si vous voulez, les sports insolites ou les jeux insolites, comme l'équipe a appelé son émission qu'elle fait en multiplex. Ils n'étaient pas là hier, mais ils seront sans doute là mercredi prochain, 21h-23h. Ou en podcast aussi, sinon. Petite promo des familles. Très bien, mais ils sont pas en multiplex. Non. Non, non, il y a que nous. Il y a que la multiplex. Ouais, depuis 2020, la chaîne L'Équipe que vous avez sur la TNT, entre autres, a une émission qui s'appelle Jeux Insolites. Et en fait, ces animateurs sont positionnés dans différents lieux où on fait des jeux sport, on va dire. Alors, ça peut rappeler quoi? Ça peut rappeler les Jeux sans frontières. Interville. Oui, pourquoi pas, il n'y a pas de vachette. Mais C'est là qu'il y a les courses à savon dans Alors, par exemple, ce genre de choses. Et moi, j'ai vu, par exemple, les caisses à savon volantes. Ah bah ouais, j'ai vu les roulantes, j'ai pas vu les volantes, tiens. Bah en fait c'est les roulantes mais qui vont sauter au bout d'un moment. Ouais, c'est ça. Et qui seront roulantes. Qui sont sur un promontoire assez haut. Ouais. Elles vont être volantes mais que pendant quelques secondes. Et après elles seront écrasantes. Voilà, qui doivent en fait atterrir le plus loin possible du podium ou d'où elles sont parties. Et souvent ça pose un problème parce que le nez des inventions a tendance à piquer en premier. Donc ça va pas souvent bien loin et j'ai même vu dans l'épisode que j'ai vu dernièrement là il y a une dame qui était au volant de je sais plus quel engin mais quand il a atterri, vous savez quand on atterrit assez vite sur l'eau en fait c'est comme un mur ça fait mal et donc elle s'est payée je sais pas le volant je sais pas trop quoi elle avait le nez en sang quoi ça a pas plongé sur le coup bah oui ça arrive tellement vite C'est vrai que des fois quand on voit faire les gamelles un fusage en piqué pour bien mais pour l'ensemble c'était assez drôle de voir ces caisses à savon volant plonger tout le monde était de bonne humeur dansant etc et ils se trouvaient ça très esthétique c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment fait un effort pour que ce soit beau en visuel ils font souvent et des efforts même que les gens soient costumés fassent une chorégraphie il y a un show à côté oui il y a un thème en général et c'est même noté je crois ils ont des notes sur 10 Oui. Parce que je crois que mon fils regarde ces conneries en plus. Il regarde ce sport. Hein. Ah, mais moi, les caisses à savon, je les regarde de temps en temps. Ouais, c'est marrant. Et puis, il y a des génies en plus. Il y a des idées. Il y en a, oui, des fois. Ils font une jolie voiture, ils ont un costume, ils font un petit show avant de démarrer. Ouais. Et c'est noté là-dessus. Puis, hop, c'est parti. Ouais. Ils doivent finir la course comme ils peuvent. C'est ça. Alors, vous connaissez le jeu du chat qu'on a pratiqué dans les cours d'école, se courir toucher, après, c'est se toucher. J'ai toujours été le chat, je m'appelle Félix. C'est vrai que oui. Ça se fait sous forme de sport aussi, cette espèce de balle aux prisonniers géante. Oui, ça, les balles aux prisonniers, c'est génial. Tu vois, moi, je devais toujours courir avec Forrest. Ah oui, c'est vrai. Et donc, j'ai vu des gens dans un parcours avec des obstacles. Jouer à chat sportif. Voilà. Alors ça, je peux vous dire, c'est un truc de dingue. Avec ils sont dans un carré. Des obstacles, des couloirs, devoir ramper, devoir sauter. J'ai vu encore pire. Pour échapper aux autres, quoi. Ouais, non, mais ouais. J'ai vu même pire, où qui sont cantonnés dans un petit carré, comme le riz. 10 mètres sur 10 mètres. Par exemple, ouais. Par exemple. T'es sur un carré, je sais pas, de 10 mètres sur 10 mètres, t'as des obstacles un peu de partout, vous êtes deux. Bonne chance, faut que tu touches l'autre. Ah ouais. Les gars, en fait, c'est des pros du parcours, entre guillemets, et il faut qu'ils passent les obstacles pour éviter de se faire. Enfin, l'un pour éviter de se toucher et l'autre pour toucher l'adversaire. C'est chaud. Et là, c'est chaud. Là j'ai une description de la version sportive qui s'appelle le World Chase Tag, donc Chase on World, c'est la poursuite. Hein. Ouais. Et en fait, on a 20 secondes pour réussir à toucher l'adversaire. Ah ouais. Ça va très très vite et puis une fois qu'on l'a touché c'est dans l'autre sens c'est très physique quoi. Ils ont pensé à remplacer le chat par un tigre pour aller plus vite là quand tu dois te faire toucher. Ah bah c'est sûr que là oui tu cours un peu plus vite. Oh. On a des concours de mangeurs. Le chat, ça court plus vite que nous. Ça, c'est sûr. On a des concours du plus gros mangeur. On a vu des gens manger jusqu'à les limites crever. Hein. Ça valait le plus grand nombre de hot dogs. Oui. Et après, comme si ça pour en avoir encore plus, passer les saucisses par deux. Mais moi, je fais un concours, c'est bon, je mange plus pendant 4 mois facile hein, après. Voire plus. S'il y a un aliment où tu ferais le concours, tu serais sûr de gagner ici en mangeant le plus, tu vois, ce serait lequel? Alors le problème c'est qu'à mon avis je suis sans doute celui qui mange le moins, donc déjà je pars avec un handicap. Soit. Parce que tu parles trop que tu manges moins. Toi Daniel, est-ce qu'il y a un aliment où t'es sûr que tu nous exploses? Parce que moi j'en ai un en tête. Avant il y en aurait eu, mais là maintenant avant quand j'avais une vingtaine d'années j'aurais explosé tout le monde, hein. Je l'ai fait d'ailleurs. Sur quoi? Sur tout. Ah non. Je suis pas d'accord. justement sur un aliment particulier, parce que par exemple le Nutella, je suis sûr que je vous couche tous. Ah bah moi c'est sûr, j'aime pas. J'aurais trop peur d'être malade, c'est la quantité d'huile. Non, parce que je l'ai fait. On peut être malade au bout d'un moment. Je l'ai fait avec des plats connus, donc cassoulet, choucroute de l'époque. Oui. Je l'ai fait avec. Je le fais tout le temps. Avec des cheeseburgers. C'est mon repas. Je l'ai fait avec des cheeseburgers. Ouais. Je l'ai fait avec tout un tas de trucs et à chaque fois j'ai gagné. Mais là maintenant je le referai, non. Oui, je... c'est surtout en termes de quantité au final, c'est pas des plats. Des pâtes. Moi j'ai pas envie de jouer avec ça. Ouais. On m'avait fait cuire un paquet de 1 kg de pâtes, j'avais fait le pari de le manger en moins de 20 minutes, je crois. Ah ouais. Parce que le manger, pas de problème, mais alors en moins de 20 minutes, je sais pas. Je sais plus, c'est 15-20 minutes, aller, mais. Ouais, voilà. Bah, j'avais gagné. Ouais, je te dis pas la vitesse là. T'as géré derrière. Ouais. Ouais, bah t'as mal au cul quoi. Les hot dogs, 71 hot dogs en 10 minutes. Ça c'est violent par contre. 10 minutes. Ça c'est trop violent. Ouais, ça, oui, ah ouais, non, mais là. Ne serait-ce la quantité même de petits pains que ça fait, quoi. Ouais, c'est, même c'est énorme. Les saucisses, déjà, j'en mange un, limite, je peux y faire une commande juste pour lui. Je vais te caler limite avec un, donc 71. Par contre, c'est un mythe, le pain, ça grossit avec l'eau, hein, mais ça grossit pas non plus des mars. Enfin, oui, enfin, 71 double pain. 71, t'as du coffre, quoi. Ouais, hein. Ça doit faire mal quand même à la fin. Tu exploses un peu. Hein. Il y a des concours de baf. Mais ah, c'est vrai que j'ai vu, oui. C'est même pas des. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça un concours. Le machin, c'est. Je sais pas, vous voyez, je sais pas, l'acteur The Rock par exemple. Mm-hmm. Vous imaginez des gens aussi balèzes que lui, mais pas de la gonflette, tu vois. Ouais, c'est méchant. Ouais. C'est très méchant ce que je dis. Mais bon, c'est normal, il doit entretenir son corps, il a une image à entretenir. Mais il y en a, ils ont vraiment du muscle là-dedans. Ouais, bah... Et ils font ça, ils mettent, tu sais, la poudre blanche dans la main, le talc. Il te fout une baffe, j'ai vu un gringalet en face. Oh bah il était pas bien. Ah bah, hein. Tu m'étonnes. J'ai vu un reportage justement, le type il était connu pour être un champion de baffe et tous ceux qui étaient en face étaient assommés par la baffe. Ils explosent des pastèques avec leurs mains en donnant des baffes. C'est son entraînement, le gars. Et bon, tiens, dans les défis comme ça, vous connaissez le bras de fer. Et ben on fait aussi le doigt de fer. Oui. Avec les petits doigts, il y a un élastique et... Ouh. Un élastique. Ah ouais, un élastique qui est entre les deux petits doigts et donc on tire et ils sont de chaque côté d'un espèce de billot et en fait il y en a un qui finit par passer par dessus s'il lâche pas. Ah ouais. Et bon, je pense que c'est des coups comme à se faire. Parce que t'as le bras de fer chinois aussi, ou que tu fais avec les pouces, c'est beaucoup moins violent. Mais oui. Le combat de pouces, oui. Je me rappelle un copain qui avait fait ça, m'avait écrasé le doigt là. On vient de dire que c'était moins violent. C'est ça. Et il se dit heureusement que c'était moins violent parce qu'autrement. Bah, le bras le de fer, c'est bûcheronnage chiant. Sportif. Oh putain. Alors ça aussi, je connais. Ouais. Parce que je l'ai fait. J'ai déjà fait du bûcheronnage, on va dire. Acrobatique alors. Découper ou exploser des trucs énormes. Ouais, c'est carrément explosé, oui, dans ce cas. T'as plusieurs disciplines. T'as la discipline où tu dois couper un truc le plus vite possible et à plusieurs hauteurs. Souvent, c'est comme ça. Souvent, c'est dans l'Écosse qu'il y a ça. Et dans d'autres pays, j'imagine, il y a une discipline où c'est que tu dois couper un maximum de choses. À la suite, dans un temps imparti et correctement. Genre par exemple, t'as une corde, t'as ta machette, il faut la couper d'un coup. Après, t'as un morceau de bois, faut le couper d'une telle manière, je sais pas, une planche, faut la couper en biseau. Ou voilà, t'as des trucs comme ça pour utiliser différentes techniques de coupe sur plusieurs objets, évidemment, pas que du bois pour le coup, mais c'est assez technique. Moi, ce qui m'amuse en Écosse, c'est le caber, le lancer de tronc d'arbre. Le lancer de tronc. Hein, qu'on doit faire tomber sur le bout, enfin, qu'il fasse un tour complet. Un soleil et qu'il doit tourner pile de. C'est debout. Pas de lancer loin, mais. Non. Le lancer avec assez de force et pas trop non. Qu'on fait lors des Highland Games, tronc d'arbre ou poutre mesurant 4 mètres de long. Violence. Faire un demi-tour complet, ouais, c'est. Ça pèse l'eau. C'est pas ça pèse l'eau. Oh, vous avez peut-être vu aussi. Alors, ça, est-ce que c'est en Angleterre? Je sais plus. Quand on dévale, oui, la colline de Cooper en Angleterre, et on concourt après un fromage. Ah oui! Et la colline, mais elle a un dénivelé pas possible. Il y en a plein qui se cassent la gueule, qui se blessent. C'est trop bien. Ouais. Et donc, il faut arriver à attraper ces fromages qui dévalent et arriver à tasser la ligne d'arrivée avec le fromage. Quoi. J'aimerais tellement avoir un fromage comme ça. Tu peux pas savoir combien je peux en acheter. Hein. Concours de lancer d'avion en papier à celui qui volera le plus longtemps. Ça se fait en salle. J'ai déjà vu le record du monde. C'est assez incroyable, je crois. Il va à plus de 100 mètres, le machin. Je sais plus. Alors, moi, pour moi, c'était 40. Alors, 40, 140, 240, je sais plus. C'est... Pour moi, c'était quelque chose comme ça. Le machin, il part d'une colline. C'est ça. Mais ça part d'une colline et là, tu le revois plus. Non, mais c'est ce qu'on voit, en fait, dans les débuts de l'aviation, en fait. Tous les débuts de l'aviation, les gars, ils se disent... Pour aller plus loin, je vais partir d'une colline. Voilà. Il a pas tort, mais bon, c'est con, c'était à plat. Fin. Et en fait, il y avait le fromage qui dévalait de la colline et il descendait en avion pour aller plus loin. À propos de colline, vous connaissez le méga avalanche? Je crois pas. Non. Vous partez très très haut. Alors ça se fait à La Réunion, ça se fait à Saint-Paul, ça se fait dans l'Alpe d'Huez. Ah bah si. Ouais. Et donc on est en vélo tout terrain et on se paye une descente de malade avec des chemins tracés mais très étroits. Et vous voyez le dédale si jamais vous loupez votre chemin. Il y a des à certains endroits, il y a des petites barrières, mais c'est dangereux. C'est du vélo à l'extrême en fait. C'est du vélo cross extrême. Ça règne 3300 mètres d'altitude et on descend à 2600 mètres plus bas. Ouais. Oui, j'en ai vu des vidéos là, des gens qui mettent la caméra sur le casque. Ouais, ils mettent la GoPro. Tu te dis, je ferais pas ça moi, surtout à cette vitesse-là, non merci. Donc, descente marathon, inspirant, ensuite l'enduro, un cyclisme. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Alors, l'Alpe d'Huez ou La Réunion, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, à l'inverse, la montée de l'impossible, en fait, sur des pentes incroyables que vous penseriez de descendre, et bien en fait on choisit de les faire monter, mais alors vraiment des pentes super raides, non, à pied, faire du relais en fait. Et donc, alors il y a des parties qui sont comme si on faisait de l'escalade avec des cordes tressées par exemple, finalement, et plein d'autres choses, mais les gens sont hyper crevés. Non, quoi, finalement, une montée, c'est rien qu'une descente à l'envers. Oui, c'est oui. Merci Daniel. Tu l'as fait reculant, puis c'est bon. Certes, mais Daniel. Ça te rappelle à l'ordre quand tu fais ça. Un sport où il faut être très adroit, mais que j'ai trouvé vraiment très très beau, très esthétique, c'est le disque golf. Le quoi? Le disque golf. C'est vrai que le golf, en fait, ça se joue avec des balles. Oui. Et ben là, on joue pas avec des balles, on joue avec des disques. Et vous savez que les disques, quand on les lance, et ça va pas tout droit. Non, ouais. Ça va en courbe. Ça fait des courbes. Ouais. Et alors, en fait, ils jouent ça sur un terrain où il y a autant de handicap que sur un terrain de golf. C'est-à-dire qu'il y a des arbres, il y a des lacs. Et donc, quand on lance un disque, il faut bien calculer son coup parce qu'il faut passer entre les arbres, ne pas tomber dans la flotte. Parce qu'en fait, après, on va repartir chercher. D'où le disque est tombé. Ah ouais. Et au fond du lac, c'est chiant. Ouais, c'est plus dur. Donc, c'est des disques un peu qui ressemblent à des frisbees. Hein, Non, mais il y a aussi le lancer de disque que vous avez peut-être fait quand vous étiez plus jeune. C'est vachement lourd. C'est vachement lourd. Je pensais à ce J'avais de toujours disque-là. Peur comme lancer de marteau. C'est parce que du coup, c'est l'ultimate qu'on appelle ça avec le frisbee, grosso modo. Le frisbee, Moi, je faisais la forme de lancer sur quelqu'un quand quelqu'un venait de trop près. Vu qu'à chaque fois, comme ça s'écarte et t'étais tranquille. Certes. C'est salaud, mais au moins t'as été tranquille. Mais normalement t'as plus le droit de bouger quand. Alors non, t'as plus le droit de bouger, mais t'as le droit de faire la feinte quand même pour lancer. C'est vrai. Mais ça, du coup, il est con s'il a peur parce que le but c'est de l'attraper, mais on s'en verra. Quand tu le lances au niveau de la tête. Ce sport un peu fou là, ce disque, disque golf, où il faut être très adroit, il est très pratique aux États-Unis, en Australie, mais aussi on en a aussi en France. On a 22 clubs affiliés en France, donc moi je savais pas un peu région des chez nous. 500 000 pratiquants dans le monde, donc c'est quand même pas mal, et donc grosse compète. Et les cibles là où on lance les disques, ça ressemble à des gros paniers avec des chaînes en fait qui sont plantées dans le sol. Donc c'est peut-être la partie la moins difficile une fois qu'on est proche du panier, parce que les chaînes attrapent quelque part le disque. Mais bon, quand on voit comment ils partent, et avec tous les arbres qu'il y a, tu te dis comment ils vont faire pour passer entre. Tu m'étonnes, ouais. Au-dessus, c'est ça. Si on met une poubelle, ça peut faire la fête pour le faire De toute façon, il disait que oui, n'importe quoi. Non, parce que poubelle, je dois plus avoir. Faut juste savoir grand domaine. Je crois qu'ils ont expliqué ce qu'ils avaient mis au début pour mettre les disques, mais bon, ils ont fini par trouver que c'était ça qui était. Has been. qui était pas mal. Parcours général de 18 trous, voilà. Et mais après, on peut faire 9, 12, 27. On peut changer les disques, toutes les tailles. Mais franchement, les gars, ouais, super adroit. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau, vraiment esthétique. D'accord. Voilà, plein d'autres choses, hein, mais voilà pour des exemples. Vous voyez, moi je suis pas forcément très sportif, le sport de compète, sport basique, mais j'aime les choses originales et j'aime quand c'est esthétique aussi. Voilà. D'accord. Il aime la beauté, la crasse. Oh, yes. La musique, est-ce que ça peut être beau aussi? Ah bah oui, surtout que celle-là va pas manquer de souffle. Nixon, bref. Mais bien sûr. Sur Indestar. PK Avenger, c'est comme dans la grande vadrouille. Vous c'était bien là-bas. Vous c'était bien. Comme c'est comme ça. Dites-moi, vous on ne vous entend jamais. Hein. Mais en différent. C'est sûr que c'est différent sur PK Avenger 2.0. Oui, bon, parce que nous on nous entend toujours. C'est ça. On fait pas comme de Funès. Donc là après. Par exemple, donc là, on a surtout parlé de jeux de plateau pour le moment quand même. Oui, jeux de plateau, jeux de cartes. On est servi sur un plateau. C'est ça. On s'était éloigné des jeux vidéo. Ouais. Et bah manque de bol, je vais nous y remettre. Tu vas nous y remettre de là. Voilà. Sauf que je vais parler des jeux vidéo, mais d'une autre manière, vu que je vais parler des jeux e-sport. Donc qu'est-ce que le e-sport? Et ben c'est le sport. C'est le domaine électrique. Tronique. C'est ça. Donc c'est le jeu vidéo, mais en manière professionnelle. Donc bon, déjà forcément, vu que c'est professionnel qui a des sous, c'est un métier. Déjà. Voilà, ça y est, c'est dit, c'est fait. Ouais, ouais. N'en déplaise à ceux qui pensent le contraire. Ah, ouais. Et c'est... Big, c'est fait aussi. Oui, à partir du moment que tu gagnes de l'argent, c'est professionnel. C'est un métier. Voilà. C'est sûrement, c'est reconnu pas... ou pas, c'est façon, un métier quand même. Il y a des sportifs de plein de sports professionnels, donc. Voilà. On va parler de quelques-uns pour l'e-sport notamment. Absolument. Donc, je vais juste parler de quelques jeux que moi je juge. Bon, il y a des jeux que je juge importants et d'autres moins. Même si, attention, le sujet est tellement vaste qu'il n'y aura pas tous les jeux. Oui, effectivement. J'ai préféré me concentrer sur certains. Donc, par exemple, les FIFA, plus, vu que FIFA, les plus connus, FIFA, je suis dedans. Donc, forcément, je préfère me concentrer sur lui. Donc, c'est FIFA, donc, il y a plusieurs compétitions en France. Mmh. On peut parler de la Orange E-League 1. Donc, la Orange E-League 1, c'est une compétition qui regroupe les 20 clubs de foot de l'élite française. Donc, les 20 clubs de Ligue 1. Ouais. Et donc, on va choisir de représenter un club. Donc, en gros, ouais, tu peux choisir qu'entre ces 20 équipes-là. Voilà. Donc, je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, j'aime bien Lorient. D'accord. Donc, Lorient. Quand je m'y inscris, je vais à Lorient à chaque fois. Ah, par contre, du coup, il n'y a que 20 places? Ah non. Non, il y a plusieurs gens qui peuvent prendre Lorient. Voilà, c'est un tournoi à faire. Non, t'as un tournoi à faire. Tournoi fermé. Voilà. Oui. C'est un tournoi à faire. Donc, t'as tournoi amateur. Donc, tous ceux qui pensent être bons... En fait, ils te brident sur 20 équipes au final. Voilà, c'est ça. T'es limité à 20. Mmh. Donc, tous ceux qui pensent être bons, je les invite à s'inscrire, vu que c'est un tournoi ouvert aux amateurs. C'est un peu violent, tous ceux qui pensent être bons. Non, qui pensent. Ouais. Ou qui veulent se mesurer. Ils sont peut-être bons. Qui veulent voir leurs limites. Ouais. C'est un très bon moyen de voir, vu que souvent, on tombe des joueurs très très forts. Mmh. D'accord. Et si vous tombez Kevin, malheur à vous. Bah, déjà, il faut être à Lorient. Et si tu le gagnes, ce truc? Alors, tu peux participer à la phase privée de la E-League 1, où là, tu as tous les pros en plus, tu as tout ça. D'accord. Donc, la Ligue 1, c'est le modèle supérieur. C'est ça. C'est un peu comme au foot, au final. Ouais, on va dire, donc, t'as la E-League 1 ouverte, où là, tu peux avoir des récompenses des clubs qui peuvent aller de maillots dédicacés à des places en tribune, à tout. Si tu gagnes, par exemple, avec le maillot, enfin, avec l'équipe de Lorient, tu pourras avoir un maillot de Lorient. C'est ça. Oh, c'est cool. Je vais faire un spoil. Il en a eu un, justement. Ouais. Par exemple, le maillot gris que j'ai des fois. Ouais. Bah ça c'est le maillot d'entraînement de Lorient que j'ai gagné. Je te vois pas beaucoup t'entraîner avec. Non. Je l'aurai la semaine prochaine alors. Donc. Ah c'est pas le maillot de Michael Jackson. Alors non, vu où il est c'est compliqué quand même. Il a beau être gris mais c'est pas lui. Non. Donc en deuxième c'est la World Cup. La FIFA World Cup. Donc la Coupe du monde. Monde. Voilà. Là bravo bon. Teddy. Merci. Ouais, t'es doué quand même. Ouais. Et donc, après qu'il avait fait mes jeux d'anglais, ça y est, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je suis bilingue là. Voire même plus à ce rythme-là. Trilingue. Ouais. Il y a la langue de vipère entre les deux. Aïe, aïe, aïe, les vipères. Donc, c'est une compétition qui est organisée par la FIFA et EA Sports. Donc, la FIFA, forcément, l'organisme qui gère le foot, tout ça. Et EA Sports qui gère FIFA. Donc, spécialiste des micro-transactions. Oui. voilà. Ouais, c'est presque des macros, il y a des fois. Ouais. Et donc, c'est une compétition qui se déroule tous les ans. C'est pas comme la Coupe du Monde au foot où c'est tous les 4 ans, c'est tous les ans. D'accord. Et c'est la plus dure d'accès vu qu'il y a seulement les 32 meilleurs au monde qui peuvent y accéder. Ah ouais. Donc là, c'est vraiment un cercle très fermé. T'as fait combien ? Zéro. Oui, parce que quand il va chez le dentiste, il lui dit faites 33. Tu vois, c'est pas 32, c'est 33. Et... Donc là, on va aller voir quelques joueurs qui ont été très bons. Donc, je vais commencer par un espagnol, vu qu'on va finir avec les français quand même. Alfonso Ramos. Ouais. T'as encore un Ramos ? Ouais, qui a un nom de scène qui s'appelle Erzex. Donc, Bien sûr. Oui. T'inquiète pas, je la connaissais pas non plus avant. Donc, cette personne est le recordman du nombre de victoires à la World Cup, avec 2 victoires en 2008 et 2012. Putain, il a un record... Le record du monde, il a que 2 victoires. C'est... Ouais, mais... C'est pas ouf, hein. Faut penser que t'as les 32 meilleurs joueurs au monde. Donc, oui, non, mais je dis pas le contraire. Donc, au final, 2 victoires contre ce qu'on peut considérer comme les meilleurs joueurs de la planète, c'est pas... Ils sont souvent de niveau très, très proche, quand même. Hein. Oui, souvent. Je sais que bon, ça m'arrive très, très souvent de voir des matchs. Et je peux te dire, si tu sais plus lequel et à quel endroit entre le premier ou le deuxième mondial, tu te perds, en fait. Ouais. C'est bon, ils ont des jeux différents, quand même. Donc, il y en a qui vont plus être en contre-attaque, d'autres en possession. Donc, plus garder la balle dans ces cas-là, mais... C'est assez sympa à voir. C'est un peu au final comme un vrai match de foot, mais où tu cours pas, quoi. C'est ça. Parce que j'avoue, tu prends le foot, mais t'enlèves la partie la plus... Donc, wow. Après, on va parler de deux Français. Donc, Corentin Chevret, également appelé Rocky. Qui lui a... D'accord. Oui. C'est pas Rocky Balboa. Hein, non, c'est pas Rocky Balboa, non. Donc, pour la Ligue 1 de cette année, il a fait top 8. Donc, avec les pros. Mmh. Donc, c'est bien. Oui. Après, pas mal. Oui. Après, donc, il y a ce qu'on appelle des FUT Champions Cup. Donc ça, c'est en mode Ultimate Team. Il y a des tournois aussi dedans. Et donc, FUT Champions, c'est chaque week-end, tu as plusieurs matchs à jouer. Ouais. Et si tu arrives à faire le sans faute, donc comme lui assez souvent, tu es qualifié pour un autre tournoi qui est au-dessus. Et qui, pareil, regroupe les meilleurs joueurs au monde aussi. D'accord. Donc, et lui... Putain, ils se font chier quand même à faire des classements et tout. Hein. Ah ouais, non, oui. C'est... Et donc, pour le dernier nom, alors... C'est un joueur qu'on appelait La Machine, vu qu'il est retraité maintenant. Parce que c'est une IA. Non, perdu. Mais pourquoi La Machine, justement ? Parce qu'il joue contre des IA ? Non. Oh, alors, c'est dommage. Donc là, Teddy va pouvoir confirmer, mais quand on joue, on a tendance à montrer nos émotions. Quand on gagne, on va avoir un petit sourire en coin. Quand on perd, on va un peu s'énerver, quand même. Mais tu vois, on va avoir quand même... Une tombe. Je ne bouge point. C'est non, vrai. On voit souvent des gars rager quand ils perdent, par exemple, voilà. Casser leur manette. Quand tu gagnes et que tout se passe bien, t'as un sourire d'un coup, tu vois, t'as toujours un truc. Et tu dis à ton adversaire, je t'ai fumé. C'est ça. Voilà. Et bah lui, non, il n'avait rien. C'était, tu pouvais pas savoir ce qui se passait dans son crâne. Et bah il me ressemble un peu. Alors, je rage comme tout le monde au bout d'un moment, mais au bout de 100 échecs, tu vois. Et bah tu vois, lui ne rageait jamais. Ouais. Et il connaît pas sans échec aussi. Non, et donc... Tu commences à rager quand t'as plus de balles à tirer sur les autres. C'est ça. C'est donc, vrai, c'est vrai. Ce joueur, c'était Bruce Granek. Donc lui, il a recordman également du nombre de victoires à la World Cup avec 2 victoires, également. Ils ont tous 2 victoires, donc ils sont tous recordman. Il y en a que 3. Ah. J'ai pas le nom du troisième, par contre. Donc, je comptais pas te le nom. Donc 2 victoires, donc en 2009-2013. Ouais. Mais c'est pas tout. Vu que c'est également lui qui a le plus de titres de champion du monde sur FIFA. Avec 2 victoires. Non, mais vu que t'as la World Cup, mais t'as un autre tournoi aussi. T'as l'ESWC, donc l'Electronic Sport World Cup. Il l'a gagné 2 fois, donc en 2006 sur PES et 2012 sur FIFA. D'accord. Ce qui fait que bah, c'est au final le joueur qui est le plus champion du monde. Et il est champion du monde tout seul. C'est ça. C'est bon ça. Ouais. Ouais, pour ça c'est jeu... bien pour l'ego ça. Non mais c'est quand même bien, il est champion du monde tout seul pour un, jeu, un sport d'équipe, un jeu d'équipe. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça c'est vrai que c'est. Le comble, il a un joueur porte-bonheur. Il le dit assez souvent sur ses lives ou ses vidéos. C'est Cristiano Ronaldo. Ah. À chaque fois qu'il a été champion du monde, il avait Cristiano Ronaldo dans son équipe. Ah. Ce qui serait marrant pour les jeux de foot, ça serait de faire un jeu de foot multijoueur où chacun contrôle un joueur. Bah ça existe. Ça s'appelle Club Pro. Alors là, Teddy, il est passé pour un con. Je passe pas pour un con, c'est juste que je connais pas tous les jeux de foot. Je suis pas très footeux. Si ça existe, bon, c'est pas ça exceptionnel. Ça doit être génial, ça, parce que tu joues à 22 joueurs. Disons que le problème, le mode part sur de bonnes bases, mais il est trop souvent délaissé. Au profit, justement, d'Ultimate Team, où les joueurs, bah, ça rapporte de l'argent, forcément. Ah ouais, c'est triste. J'avoue que tu joues à 22, ouais. Faut y aller. Hein. Ouais, faut après diviser la prime par 11 quand on est en équipe. Mais non, c'est en tournoi. C'est ça. Ah. Juste pour le fun. Déjà, rien que pour le fun, tu vois, ce serait déjà pas mal. Bah, ça pourrait. Après, donc, on va aller faire un tour sur LoL. Donc, League of Legends. Ouais. Qui est, bah, un des monuments de l'e-sport. Effectivement. C'est. Pour moi, personnellement, c'est l'autre gros monument avec CS, donc Counter-Strike. Mm. C'est les deux gros monuments. Counter-Strike, j'irais même, c'est, ça a commencé, on va dire, un petit peu par là. Mm. Enfin, pour certains, pour le type, hein, parce qu'en gros, ça n'a pas commencé, c'est un FPS. Voilà. Donc un jeu où tu as une arme et tu vois juste ton arme et tu tires. Mm. C'est un jeu de tir. On voilà. Rappelle juste FPS. First player shoot. Voilà. Ouais. Le premier joueur qui tire. Voilà, c'est ça. Et donc, la scène en compétition de League of Legends a commencé en 2010, vraiment. Ça a vraiment commencé à partir de là. Lors de la finale de la World Cyber Game, donc WCG, à Los Angeles. Donc déjà, mine de rien, pour qu'il y ait une finale à Los Angeles, c'est que c'était déjà... quelque chose d'important. Voilà. Et donc c'est un monument de l'e-sport. Et en joueur, bon, moi, il y en a un qui me vient, vu que bon, je suivais de loin à l'époque. Bon, maintenant, j'ai arrêté, mais c'était Dwagby. Qui... juste oui. Un petit truc, je pense qu'on devrait rappeler ce que c'est que LOL, pour ceux qui connaissent pas. Donc League of Legends, donc c'est un jeu où tu incarnes un personnage. Ouais. Où l'objectif c'est d'aller battre les autres en gros. D'aller battre l'autre personnage. Et c'est sur ça. Ta map, t'as une map prédéfinie, ouais. Tu t'as souvent des, tours, des alliés. T'as des tours. Souvent t'as... ça joue en équipe, on est ouais. D'accord. Ouais. C'est joué par équipe de par 4. 3. Ah non, 4 4 il me semble. Je me rappelle plus. Je crois que c'est 4, oui. Après, tu, oui, tu peux faire, ça dépend, j'imagine, de la partie. Tu peux c'est comme le shogi, t'as plusieurs plateaux. Ouais, c'est ça. Et ça oui, peut... tu vas affronter le héros adverse qui a lui aussi des caractéristiques et spécificités différentes. Ouais. Et sur la map, t'as plein de trucs, de bonus, de trucs à faire. À ouais, voilà. Donc, bonne chance. Ouais, et donc, moi en joueur à cette époque, il y avait Dwagby qui était excellent. Bon, maintenant qui est plus connu comme animateur, notamment avec Gotaga, tout ça. Mais. Avant tout ça, c'était un très bon joueur pro. D'accord. Et donc en parlant de Gotaga, d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur Call of Duty. Oui, Call of Duty, le petit frère de Counter-Strike, hein, si on ose dire. Bah, on peut dire ça comme ça, ouais. Ouais, il y a eu une scène Counter-Strike très forte on et qui est que... encore assez importante. Hein. Ouais, et après, c'est qu'il y a Call of Duty qui est apparu. Qui est arrivé, mais mine de rien, en compétition, Call of Duty, c'est, entre guillemets, je dis bien, effondré, alors que Counter-Strike, c'est toujours maintenu. Counter-Strike, là, ils jouent toujours. Bah, c'est, ils se maintiennent, ils arrivent ouais. À faire des choses et contrairement à Call of qui pense qu'à l'argent aussi. Alors, pour resituer, Counter-Strike c'est un jeu, c'est un FPS hein, comme oui. On l'a dit. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de différent avec Call of Duty? Alors, ça m'intéresse. Counter-Strike est beaucoup plus axé réaliste quand même que Call of Duty. Du style ton arme peut s'enrayer? De quoi? Du style ton arme peut s'enrayer? Alors, je crois que oui, dans un tu peux. Hein. Je sais pas, je pose la question. Alors de mémoire, je crois que c'est Global Offensive, donc Counter-Strike Geo. Je crois que c'est dans celui-là où ton arme peut s'enrayer. Parce qu'effectivement, quand tu dois faire un jeu ultra réaliste, même basé sur les armes, il y a plein de choses qui peuvent se passer sur une ouais. Arme. Genre, alors que Call of Duty, on va dire, tu peux y aller, tu butes 300 balles sur un mec, le gars, c'est t'as toujours aucun un problème. Il s'est rechargé, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Il a un sac à dos avec 150 chargeurs, il n'y a pas c'est de problème. C'est ça, sans problème. Et donc, pourquoi j'ai voulu parler de Call of Duty? C'est que c'est un système un peu différent de FIFA ou de League of Legends pour se qualifier. On va dire, bon, t'avais des tournois, tout ça. Faut que tu butes. Merci Teddy. Mais non, rien. On va dire, faut passer par la Call of Duty League. Donc, c'est une ligue professionnelle d'e-sport, uniquement pour la série de jeux Call of Duty, évidemment. Et donc, produite par Activision, qui est oui. Le studio qui gère Call of Duty. Cohérent. Et donc, la Call of Duty League suit le même modèle que Overwatch, qui est un autre jeu également. D'Activision. Voilà. Ils essayent de suivre la même trame. Bon, Overwatch est mieux que Call of Duty en compète. Ouais, surtout, il est perturbé, mais oui. Ça, ouais, c'est ça. Mais donc, on va dire, ça commence vraiment un peu à prendre, et ils essayent. On va dire, ça monte toujours Call of. Ça va prendre un coup très haut, ça va redescendre, ça va reprendre. Là, ils avaient un coup à jouer avec Warzone, avec leur Battle Royale, mais ils ne l'ont pas fait. C'est par vague, en fait. Il y a des bons ouais, Call of et des mauvais Call of. Et actuellement, voilà. On est plutôt sur des mauvais Call of. Donc, ça n'aide pas non plus l'e-sport sur Call of. Parce que Call of Duty, en fait, c'est toute une série de jeux vidéo hein, qu'on appelle. Il y a plein de Call of Duty. Ouais. 1, 2, 3, 4, Black Ops, voilà. Ouais. Plein. On va dire, t'as deux grosses sagas vraiment qui... Black Ops, c'est 1, 2, 3, 4. Black Ops et Modern Warfare. Ils ont encore fait l'Indestar. Non, pas encore, non. Non, ouais. Pourtant, ce serait le meilleur en plus. Ah bah, ça serait le meilleur. Call of Indestar ? Ouais. Oh, on défonce des actus solides. Hein. On va direct, hein ? Ah bah, ça, c'est fait. Donc, en joueur connu de Call of Duty, donc pareil, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Donc, j'en parlais, donc Corentin Houssain, donc dit Gotaga. Ouais. Forcément, donc, qui est l'un des joueurs avec le plus gros palmarès en France. Il a quasiment tout gagné. Ouais. C'est... Et l'autre qui a le plus gros, c'est moi. Alors non, c'est qui Broken. Qui a quasiment tout perdu. Pour la blague. Non, mais... Broken, qui était justement dans l'équipe Broken. À Gotaga. Cassé. Ah. Donc, et donc, on va dire, dans Call of Duty, tu as différents rôles. Tu peux avoir le Slayer, donc celui qui va chasser. Gotaga en était un, par exemple. Mmh. T'as aussi la Tourelle, celui qui va pas bouger de son... De son pote. Non, ouais. Le campeur, comme on appelle ouais. Ça. Le campeur, celui qui est toujours là, attendre que les autres passent, comme il se cache. Sur les 4, il regarde. C'est ça, ouais. C'est un mode de jeu qui est souvent assez mal vu, quand même, le campeur. Ouais, qui est même pas que assez, qui est même très mal vu. Ah ouais, pourtant c'est stratégique, hein. C'est... Non, non, mais très mal vu, parce que moi, une fois, on m'avait demandé si je voulais jouer à. Enfin, j'ai dit, je veux essayer. Et puis, bougez pas. on va dire, peut-être pas tous les autres, mais presque, camper. Alors au bout de 2 minutes, j'aurais dit, vous m'emmerdez, démerdez-vous. Ouais. Alors, c'est vrai que sur une map où si tout le monde campe, bah ouais, c'est dur. C'est nul, ça va être dur, dur hein, ouais. Mais techniquement, stratégiquement parlant, c'est une solution en temps de guerre. Enfin, des campeurs, ça... Bah ça existe, hein. Ouais. Oui, ah oui. C'est... ça mange un pique-nique, non. Alors là, je l'imagine en train de manger son sandwich et son paquet de chips. Et là, tu vois un tank passer. Oh. Oh, attends, faut que j'aille me replanquer. Les touristes suédois qui se sont paumés en temps de guerre, bon... Oui. Triste prof. Mais c'est vrai que attendre l'ennemi qui passe... Si tu sais qu'il va passer, techniquement, c'est une solution viable. Tu te caches et t'attends qu'il passe, c'est normal. C'est ça. Bah bon, c'est vrai que dans les jeux, ça fait pas vivre le jeu, quoi, parce que ça fait safari. Hein. Ouais. C'est ouais. Ça. Ouais. Donc, pour finir, tiens, je vais parler d'un dernier jeu. Donc, moi, c'est pas un jeu que j'apprécie, c'est Fortnite. C'est un jeu que personne ne devrait apprécier. Ouais. Pardon. Mais ça m'a échappé. Je tiens à parler de Fortnite à cause d'un truc, vu qu'il a réinventé l'e-sport récemment. Les Battle Royale. Bah, disons que les Battle Royale ont aidé. Vu que bon, t'avais déjà H1Z1 qui en était un autre avant, qui était en compétition aussi. Ouais. T'avais d'autres BR, donc on appelle BR les Battle Royale. Ils font beaucoup d'abréviations dans l'histoire. Ouais. Ils ont pas de temps à perdre à parler. Non, c'est ça, ouais. Ils jouent. Et là. Donc, Fortnite a totalement réinventé vu qu'ils ont mis des sommes d'argent de plus en plus conséquentes. Par exemple, en 2012, quand Bruce Granek a remporté la Coupe du Monde, il avait gagné 12 000 € et une voiture. Oh, une Twingo. Alors, la voiture, il n'a jamais dit ce que c'était. 12 000 € depuis sont partis dans un plein d'essence. Ça peut. Bah, Fortnite a été jusqu'au million pour le vainqueur. C'est en 2018-19, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ça serait pas le jeu que t'as gagné plus d'argent, un truc du genre ? Si. Ouais, j'aime bien ce qu'il semblait. Bon, après, Fortnite, attention, vu que bon, il y avait des trucs aussi où les sommes étaient énormes, mais c'était par équipe de 4. Oui, donc après, c'est partagé. Voilà, donc. Ouais. Quand t'annonces, admettons, une somme, je veux dire, je sais pas, 100 000, mais que tu partages par 4, bon, attention, ça reste énorme, quand même. Petit détail aussi, comment dire, pour ceux qui ne connaissent pas Fortnite. Et il y en a, oui. J'en suis sûr. C'est un Battle Royale, graphisme assez enfantin, quand même. Qu'est-ce qu'un Battle Royale ? Alors, c'est un jeu où tu es lâché sur une île, assez souvent, quand même. Oui. Même une zone toujours, limitée, en fait. Voilà. Et le but, c'est d'être le dernier survivant. Donc vous êtes 30, pouf, vous popez sur la map, donc vous apparaissez sur la map et vous devez vous entretuer. C'est comme Koh-Lanta, sauf qu'il faut zigouiller les adversaires. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et au bout d'un certain temps, la map va rétrécir. C'est bien comme Koh-Lanta, ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc la map va y avoir ce qu'on appelle une zone qui va apparaître. Oui. Donc une zone où il faut surtout pas aller. À partir du moment que ça rétrécit, en fait, enfin, au bout d'un certain temps, ça va rétrécir. Et toi, faut que tu restes dans le cercle. Sauf que du coup, vu que ça rétrécit, forcément, vous allez rencontrer de plus en plus de joueurs. Oui. Et moins vous êtes nombreux, plus ça rétrécit, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il n'y ait qu'un seul gars. Et vous devez vous entretuer, vous avez plusieurs manières de vous entretuer, vous avez plein d'armes, et vous avez aussi une partie construction. C'est ça l'innovation qu'il y a dedans. Bah si, c'est même l'innovation pour eux, vu qu'ils ont permis de... Bah permis. Parce que dans Call of, tu construis pas un truc, non. Hein. Call of, tu te balades, tu tues. On va dire, c'est même là on voit la différence quand un joueur Fortnite vient sur Call of Duty, vu que bon, de construire un truc. J'en ai dans mon entourage, et ils me disent toujours, oh, ce jeu il est nul, on peut pas construire. Puis à chaque fois, mais faut juste être meilleur. Bah, c'est juste réaliste, hein. Voilà. Parce que dans Fortnite, les constructions qu'ils font. À la fin, en gros, donc Call of Duty, on va dire, il y avait un sens tactique à avoir. Admettons, tu voyais qu'à droite, t'avais de la couverture, tu tu disais, je vais à droite, vu qu'à gauche, il n'y a rien pour s'abriter. Que Fortnite, on te tirait dessus alors que tu étais en plein milieu. Tu posais un mur et c'était bon, t'étais protégé. Ouais. Et si tu poses un mur, tu sais, c'est pas tu prends le temps en brique par brique. Hein. C'est un mur qui apparaît ch'tac comme ça, ça, un peu à la Minecraft. Donc oui, tu pouf, grâce aux imprimantes 3D et tout le monde. C'est ça. Donc en quelques secondes, pouf, tu fais un truc et hop, tu continues. Tu te rends compte, ils ont mis une imprimante 3D dans la télé. Ah ouais, ouais. Donc ça révolutionne le jeu, le genre en tout cas. C'est pour ça que tu manges construction et FPS. C'est pour ça que les jeux donc Battle Royale sont revenus à la mode aussi, mine de rien. Ouais. Mais Fortnite, ça reste de la merde. Oui, non. Il y a eu beaucoup d'innovations. C'est méchant. Mais après, tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Ouais, mais il y a des trucs dans la nature. Il y en a qui doivent moins y être. Et donc, pour finir sur ce sujet, alors il y a un autre corps de métier qui profite de ce style de jeu, c'est les streamers. Quand même, mine de rien. Donc, c'est pas parce que tu fais ça. Alors si. Parce qu'on a un jingle sur Indestar. Oui. Kevin, le seul animateur à avoir une chaîne Twitch. Justement, tiens, je me permets. Il a pété comme un con. Quelque chose après, tiens. Donc, d'ailleurs, justement, c'est pas tout seul à avoir une chaîne Twitch. Indestar aussi a une chaîne Twitch. Oui, qu'on peut retrouver sur indestar.fr avec le petit bouton. Vu que vous avez fait ça bien, en plus vous avez pris la couleur de Twitch, donc la couleur violette. Ouais, c'est vrai. En plus. C'est mais bon, pour notre émission, ça n'est pas servi puisque on n'a pas fait de vidéo aujourd'hui. Non, on aime bien se cacher en fait. C'est ça. Et oui, il faut garder un peu le mystère. Donc le métier de streamer, c'est comme le métier de joueur pro, c'est légèrement plus dur qu'il n'y paraît vu que quand on nous voit en compétition, on s'assoit juste dans un fauteuil, on fait ses parties et on se casse. Sauf qu'après, il y a un temps de préparation, il y a tout ça à côté. Non, streamer, t'es pas obligé d'être en compétition. Alors non, pas obligé, mais c'est la même chose. Parce que pour moi, streamer, c'est pas un gars compétitif. Il se fait de l'argent à faire des vidéos de contenu. Oui, oui, mais justement, je prenais la comparaison vu qu'en fait, c'était c'est pareil. Quand tu nous vois, en fait, quand on est en live, on a la caméra, tu nous vois, on est assis tranquille, on fait nos parties. Ouais. Donc, ça a l'air simple. Non, mais comme tout métier de l'audiovisuel. Voilà, on va dire dans la tête de 90% des gens, c'est simple. Quand même. Mais ça peut être simple si tu le fais avec ton téléphone. Et voilà. Comme on peut penser que ce qu'on vient là et qu'on improvise. C'est ça, oui. C'est la même chose. S'il y a des contenus, c'est qu'on a. Alors bossé, on improvise, hein. Mais oui, c'est ça. Mais il y a de solides bases. Mais j'ai quelques boutons en plus. Qui peuvent aider, oui. Mais donc voilà, c'est légèrement plus dur qu'il n'y paraît. Et mais bon, je pense que ça rentre bien dans les mœurs. Voilà, c'est ça. Du style, oui, t'as de la production derrière, t'as tout ça, t'as du montage, t'as plein de choses à faire en fait. Mmh. Au final, Puis par exemple, tiens, je vais prendre pour les streamers, il y en a qui s'amusent à faire des lives 24 heures. Oui. Rester 24 heures devant son écran à faire de l'animation tout en jouant. C'est inutile. Alors oui, c'est inutile, mais ça doit pas être... Moi, personnellement, je m'y risquerais pas. Ouais, tu dois avoir des moments où vraiment ça doit être nul. Hein. Oh, puis quand il va faire une pause pipi, hein, c'est génial. Bah, tu l'entends faire pipi. Ce que tu fais, tu mets en pause ton live et tu balances une pub le temps que tu fasses. Waouh, c'est génial. Dans un live, putain. Non, mais ils ont tout prévu, Twitch. Laisse tomber. Ouais. Oui, Daniel. Je voudrais juste rajouter, là, tu parlais de stream quand même. Oui. Il y a quand même un point sur lequel j'aimerais... insister, peut-être bêtement, qui est la qualité de la connexion. Oui. Parce que là, je vois, nous, à la maison... Ah, c'est un coup de gueule sur la fibre. Ah ouais, c'est ça. Parce que les jeux sont de plus en plus complexes et ont besoin de plus en plus de débit. Ils sont plus lourds. Ils sont de plus en plus gourmands. Ouais. Ça fait pratiquement 2 ans que nos voisins de droite et de gauche ont la fibre. Et nous, on ne l'a pas. Signez la pétition. Le problème, c'est que Kevin, il en vient maintenant à pratiquement plus pouvoir travailler normalement. Ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Signer alors, la pétition Forest Fibre. Voilà, c'est ça. Je voudrais pousser un coup de gueule. Franchement, c'est pour travailler, c'est pas pour notre plaisir. Moi aussi, personnellement, ça me pose des problèmes. Heureusement qu'il y a la fibre à la radio, parce que sinon, je peux vous dire que je serais emmerdé dans certains cas. Alors franchement, vous avez mis à droite, à gauche, soyez sympas. Mettez au milieu. Mettez au milieu, faites le raccordement, faites la jonction. Signé pour la FF, la fibre Forest. Échangez votre logement avec un voisin. Aussi. Échangez juste vos abonnements. C'est ça. En attendant, on peut avoir la fibre musicale. Ah, la fibre musicale, c'est autre chose. Ça, c'est sur Indestar. Est-ce que vous l'avez? Avec Beau Gosse, oui, bien sûr. Grave dans les Broken Dreams. C'était pas trop mal là. Oh, c'est un bootleg ça. Oui. Il a mélangé un truc dedans. Ouais, c'est ça, on a mélangé deux trucs et puis bon, ça donnera ça. Ouais, et c'est sur Indestar. Les Pika. PK. Pika. Bon, laisse tomber Pikachu, je vais le faire. PK Avenger sur Indestar de 21h à 23h. Pika. Ah. Oh. Alors jusqu'à 23h, ouais. On... Oh, un jusqu'à peu... minuit, hein. Ouais, un peu de délai. C'est pas faux quand même, jusqu'à 23h, c'est sûr. Au moins. Bah, ouais, au moins. Ouais, minimum. Mais donc, qu'est-ce qui va avec les PK Avengers? Un quiz aussi. Bah oui, ça va avec le jeu, ça va avec les PK Avengers, effectivement. Ça va avec tout, le quiz. Ouais. Donc Teddy, qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, un quiz en 5 questions, d'accord, avec toujours. En règle générale 3 propositions de réponse. Mais bon, c'est en règle générale parce que j'ai envie de changer des fois. D'accord. J'ai envie de sortir, j'ai envie de casser les codes. Tant. Donc, des fois, je vous laisse vous démerder. D'accord. En fait. You break the code. C'est gentil, ouais. Ça, dis donc. Code break, je sais pas. Mais c'est aussi grâce à ça que j'ai eu un point supplémentaire parce que je connaissais la date de naissance et la date de mort la dernière fois. Ouais. De effectivement. Brassens. Et ça t'a valu un. Gagner. Voilà. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est vrai. Que oui. Je vous rappelle qu'il n'a vécu que 60 ans. Mmh. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez vu que Jean-Pierre Pernaut est décédé ou pas ? Oui. Oui. Je sais pas si on doit lui rendre un hommage ou pas. Oui, non. Je sais pas, c'était juste voilà, quelqu'un qu'on voyait beaucoup à la télévision. Qui faisait partie quoi. Du PPV. Du PAF. Du PAF, voilà. Je cherchais c'est pas une PAF, hein, c'est pas le concours paysage de audiovisuel français. Voilà. Parce que pour moi, bah, c'est un présentateur, quoi. Je vois pas l'intérêt. Non, c'est un journaliste. Ouais, c'est un journaliste. Mais qui était plus. En fait, il était sur les télés nationales, mais plus régional. En fait, il allait vers. Oui. Vers genre, il y avait la guerre. Enfin, j'ai vu une image. Genre, il y a la guerre et lui, il va te parler du pâté de Micheline en Yvelines. Je sais pas. Ouais, et puis, bah, des fois, là, il finissait par dire ce qu'il pensait, ce qu'il avait envie de dire, tout simplement. C'est peut-être pour ça que des gens l'appréciaient. Hein, bah ouais, bon. Ouais. Dans tous les cas, petit dommage à JPP. Voilà. C'est pas Jean-Pierre Papin, c'est Jean-Pierre Pernaut. Oui. Ouais. Pourquoi tu me regardes en disant ça? Qu'est-ce qu'il est devenu? J'ai l'impression que je me suis senti visé là d'un coup. Non, parce que c'est un footballeur, c'est pour ça. Toi qui es foot, est-ce que. Enfin, je dis, qu'est-ce qu'il est devenu l'autre? Parce que. Je crois qu'il est toujours en vie, papa. Oui, oui. C'est déjà pas mal, hein. Il fait quoi maintenant? C'est pas, non? Non. Non, il t'a pas téléphoné dernièrement? Non, il a dû oublier mon numéro. C'est encore. Pas grave. Moi, je vous propose de jouer. Ouais, du coup. Voilà, vas-y. Ouais. Donc, question. JPP, c'est fini. La première question concerne. Voilà. La première question concerne, d'accord. Les cartes. D'accord. 3+3+3+. Qu'est-ce qu'une suite royale? T'as des réponses? Il faut non. La donner. Non, vous démerdez. Une suite royale, donc effectivement, ça concerne les jeux de cartes. De quoi est-elle composée, hein, c'est ça, grosso modo, hein, la question. Qu'est-ce que c'est? C'est les éléments qu'il y a dedans. Pour vous aider, techniquement, il y a 5 cartes. Est-ce que ça vous aide? Oui. Ouais. Bah, enfin, oui. Moi, je le savais. Moi aussi, je le savais, mais... D'accord. Donc, je vois que Kevin a écrit des abréviations. Donc, 10 V, D, R, R, A... Oui. Alors, Dix, valet, dame, roi, as. Ça suffit pas. Cinq cartes qui se suivent et de la même couleur. Yes. Toi non plus, ça suffit pas. Cinq Calop. Cartes qui se suivent jusqu'au parce que... roi. Parce que tu. Hélas. C'est pas ça. Il manque l'as. Alors. Ah, et franchement, à quelques petits morceaux près, vous les aviez. Je toi, t'aurais dû choisir le haut. Parce que qui suivent, ça pouvait être 2, 3, 4, 5, 6. Bah justement, de la même couleur, c'est la suite royale. Ah non, c'est une suite. Non. Non. La suite, c'est 5 cartes qui se suivent, qui ne sont pas obligatoirement de la même couleur. Ah non, c'est une suite aussi. Non. T'as non. Une suite avec une couleur. Non. Une suite royale, c'est la suite où tu es as. Non, je ne suis pas d'accord. Mais c'est quoi alors? Je ne suis pas d'accord, c'est au poker. C'est au poker, c'est 5 cartes de la même couleur qui se suivent. Ça, c'est la suite royale. Tu sais quoi? J'avais cherché ou quinte, sur internet. Ou quinte royale aussi. Bah, pose la question suivante, on va chercher sur voilà. Le portable. Si ou quinte royale. Mais. Ouais. Tout dépend si où si t'as raison, cherché. T'as 2 points. Mais si tout... t'as tort, t'as moins 2 points. Non, j'ai raison. Et si tu me mets moins 2 points, c'est injuste. Mais je réclame pas 2 points, je réclame juste 1 point. Océane qui est avec nous ce soir, bonsoir. Oui, c'est Océane. Vrai, nous tu rejoint, n'as pas de micro. Oui. Je dis bonsoir comme un connard. C'est pas grave. Vas-y, allume-le pour voir celui-là. Oh, il arrive. Ouais, pas. Bah, alors, façon, est-ce que ça va marcher? Bonsoir. Bah, voilà. Ça, c'est bon, ça marche. Donc, Océane, t'avais mis quoi, toi? Moi, j'ai rien mis du tout. Ah, tu joues pas aux cartes? Non. Ouais, c'est pas grave. Donc, pour l'instant, on va attendre les potentiellement des points pour Daniel. Et en attendant, je vous propose de répondre à la deuxième question. Combien y a-t-il de cartes? On est toujours dans les cartes. Hein, dans le jeu de tarot. Est-ce qu'il y en a 72, 76 ou 78? Bonne chance. Je me rappelle déjà plus de la réponse. Oula, Océane a l'air perplexe. Hein. Alors, c'était quoi les propositions, vu que j'ai pas écouté? 72, 76 ou 78? J'ai vu ton petit regard. Ne regarde pas l'ardoise de Thierry, il a déjà tout répondu. Ah ouais? Ouais, c'est affiché. Bon, je cherche ta suite. Oui. Vas-y, vas-y. Donc oui, est-ce que vous l'avez, tout le monde là? Daniel, il a écrit 78. Oh, Kevin, 72. Oh, pas de bol. Merde. 72 pour Océane et 78 pour Thierry. C'est 78. Effectivement, bah oui, c'est 78. Sans compter c'est, Joker. C'est mon jeu de cartes préféré. C'est vrai? Ouais. Tu joues au tarot, tarot ou tu joues à d'autres variantes? Non, non, tarot, tarot, tarot. Quand j'ai vu que t'avais mis 78, je savais, j'ai fait ah bon, bah c'était ça. Ouais, c'est vrai, 78 cartes. Et comparé au jeu de cartes classique, vas-y Kevin, si tu me le donnes, t'as un point. Attends, c'est. Jeu de cartes classique? Ça dépend, oui. Vu que... Ça dépend lequel. Il peut y avoir du 62, peut y avoir du 58. Ça dépend. Ok, c'était 52, 54. Allez hop, c'est plié. 54 si tu mets les deux jokers. Voilà, c'est ça. C'est pas grave, tu vas te rattraper un ouais. jour. Moi je dis, je pose une réclamation aussi. Le tout petit jeu de belote, c'est 32. Oui, 52, en plus. 32, oui. C'est pour le nain. Ah, donc tout exemple. Dépend. C'est vrai. Ta question n'était pas complète. Oui, mais c'était certainement pas 62. Ouais, mais c'était pas complet quand même. Aux échecs. Oui. Qu'est-ce que le coup du roc? On en a parlé tout à l'heure. J'ai vaguement évoqué le fait que le roi était un peu inutile sur un plateau d'échiquier, sauf peut-être pour ce coup-là. Et pour pas perdre aussi, évidemment. Parce que oui, c'est lié au roi. Le coup du roc, c'est un coup spécial aux échecs. Qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a pas d'explication, faut savoir jouer ou connaître les règles. Waouh, non mais. Vous avez peu de chance de le trouver, effectivement. Océane, je pense que tu abandonnes. Ouais. Ouais. Sentais pas la fibre échec en toi. En vrai, mon aussi cousin... l'échec, mais social ou non je... En vrai, mon cousin, il aurait été là, il aurait trouvé la réponse, mais... Ah, il s'appelle Maxime Vachier Lagrave. Non, non, il s'appelle Anthony, il a que 14 ans, et c'est champion de régional d'échec. Oh putain, c'est ce que je faisais à mon âge. Ça se trouve, il met une mine, le gars. Tout ce qu'il fait, il échoue. Ouais. C'est dans la région, il est connu partout. Alors... Alors, excuse-moi. Excuse-moi, réclamation, oui. Non, alors effectivement, j'ai confondu la quinte flush et la quinte royale. Je préfère. Que t'as expliqué, moins de points. Non. Surtout que là, j'ai encore la bonne réponse. Après, je veux pas dire, mais bon, j'avais mis la même couleur hein, pour les trucs. Sois plus précis. Je te donne une deuxième chance, sois plus précis. Non, parce que là... En fait, il y a le petit roc et le grand roc suivant la tour que tu utilises. Effectivement, mais sois plus précis, parce que ils échangent pas de place, en fait. Hein. Oui, ils échangent pas. Tu vas sur la case d'à côté. C'est-à-dire que tu vas sur la case d'à côté. Le roi prend la place de l'autre? Je me disais, tiens, le roi, quand l'impression qu'il sert à rien, puis peut-être à un moment, il se trouve en position, il arrive à prendre la reine de l'autre. Voilà, je pensais à ça, mais... Attends, vous êtes pas loin. Je te fais un dessin. Oui. Faire échec et mat avec un roi et une tour. Non. Non, bah non. Non. Et Océane, non. Non donc, t'es pas loin, Daniel. Voilà. C'est ça. Tu mets sur les places d'à côté. La tour prend la place du roi. Techniquement. Et le roi, il se décale de deux cases, soit d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe, mais effectivement, quand il se décale... c'est pas compliqué. Comme ça que je l'avais appris, moi. Ce qu'on appelle le côté du roi, donc le côté où il est le plus proche, c'est le petit roc, hein, pour le coup, ouais. Et le côté où il y a la dame, bah, c'est le grand roc. Parce que moi, pour moi, ce que j'avais appris, quand j'ai appris à jouer aux échecs, le roi prenait la place de la case, à condition que le roi n'ait pas bougé, d'ailleurs, aussi, faut préciser ça. Alors oui. Ça. Ouais. C'était écrit d'ailleurs sur mon ardoise si tu veux. Ouais. Faut pas que les pions aient bougé, même s'ils ont bougé et retourné à leur place, c'est mort. Il faut qu'ils aient pas bougé du tout et qu'il y ait pas de pions entre les deux. Voilà. Alors moi ce que j'avais appris, donc c'est pour ça, c'est que le roi prenait la case, se plaçait sur la case à côté de la tour et que la tour se plaçait sur la case à côté du roi. Alors c'est ce que je dirais appris. Que c'est à moitié vrai pour le petit roc du coup, parce que faudrait que je compte. J'arrive pas à. Ça y est. Il se décale de deux cases en fait. Bon, sur le côté. Ça fait quoi, trois quarts de point? Même les spécialistes, même les spécialistes, ils passent deux plombs. Ouais, t'as vu ça un peu? Alors comment veux-tu qu'on trouve? C'est pire que les règles du Uno. Ouais. Est-ce que je lui accorde un demi-point? Si personne dit rien. Après, moi je dirais, t'accordes un demi-point pour tous ceux qui ont mis tour et roi au moins. Non. T'as dit échec et mat, ça va rien à voir. Pour tous ceux qui ont cherché. Mais techniquement, oui. même dans la réponse de Dana, il manque déjà des Bah, faut dire que la réponse est un peu longue quand même à donner sur un bout d'Arthur Velena. Hein. Vous auriez pu le dire alors. Hein. Ah, ouais, non, mais. Oui, bah oui, comme ça, tout le monde copie. Très bonne idée, dis donc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est dommage que j'aurais bien aimé une question où on se dit, eh ben finalement, on pensait qu'on n'avait pas gagné avec le roi. Et quand on gagne avec le roi, ça s'appelle, je sais pas comment. Gagner avec le roi, ça s'appelle juste gagner. Je pensais que t'allais nous parler du pat. Un combat roi contre roi, c'est quasiment impossible. Non, bah non. Bah, c'est impossible. Donc, ouais, t'as le nul, le pat, éventuellement. Oui. Pat. Alors. À la bonne paye, c'est grâce à toi Thierry que vous avez cette question. Putain de gueule. Combien gagne-t-on d'argent quand on s'arrête sur la case première place du concours pour chiens, qui est exactement la deuxième case du plateau. En francs ou en euros? C'est en euros la bonne paye. Non, parce que moi j'avais joué il y a longtemps, mais en francs. Ah oui, alors oui, moi j'ai l'ancienne version. Je la connais pas celle-là. Mais c'est pas grave, j'avais trois propositions de réponse. Ah, c'est gentil. Hein. Ah. Est-ce que c'est 1000 euros, 1200 euros ou 1500 euros comme si tu passais sur la case départ au final. La case départ c'est 1500 euros. Mais voilà. Donc ne le montrez pas tout de suite, on attend. Océane, t'as joué à la bonne paye? Oui. Ah, tu dirais combien toi? J'hésite. T'hésites? Entre la B et la C. D'accord. Ouais, ouais, ça pue. Hein. Moi, je le connais pas en euros. Je le connais d'accord. Pas en euros et je me rappelle pas de cette case. Alors. Bah, techniquement, si vous vous rappelez que combien vous gagnez sur la case départ, je vous ai donné un gros indice. Combien vous gagnez en pas euros? J'en sais rien. Mais t'es sûr que tu parles de la bonne paye? Parce que je me dis, case départ, ça fait penser au Monopoly. Oui, mais aussi à la bonne paye, tu gagnes à la fin du mois. Tu gagnes oui, ton salaire. À la fin du mois, oui, c'est ça. Oui, c'est pas le même circuit hein, que. Non, parce mais sur Monopoly, c'est sais... clairement sur la case gagner 20 000 oui. machin. Bon. Alors que là, c'est fin du mois paye. Tu sais que moi, à chaque fois, à la fin du mois, j'étais voir mon patron, il m'a jamais dit tiens, voilà ta bonne paye. Ça marche paye, pas. Hein. Ouais. Si tu gagnes 1000 euros, c'est court. C'est court. C'est court. Ouh, mais Océane a la bonne réponse, et donc oui, c'était bien 1500 euros. Pour un concours pour chien. Hein, que. Vous gagnez 1500 euros. Bah, tu vois, je te l'ai dit, Kevin, j'aurais dû faire de l'élevage de bêtes de quelle chien. Arnaque. À la bonne paye, ton salaire, c'est 1500 euros net. Donc, bon, si ouais, tu. Ouais, bah, c'est encore de l'arnaque. Tu ouais, finis ton ça, mois, oui. Mais tu ça, finis ton mois, tu gagnes un concours, t'as deux fois ta paye. Alors, moi, ma version de la bonne paye, je sais pas si c'était en francs, mais je crois que c'était 650 à la fin. Je sais pas si moi, il me semblait qu'il y avait une histoire de 650 à la fin du mois. Moi, il me semblait qu'il y avait une histoire de 5000 francs. Pour le concours pour chien? Que la, si ça la... se trouve, on a trois versions différentes. Ouais. Hein, C'est vrai, c'est vrai. C'est possible. Possible. Mais je pensais vous aider en vous donnant un indice que c'est le même montant, mais bah non, du coup. Non, parce que ne connaissant pas cette version, on n'a pas les mêmes chiffres. Non, c'est pour vrai. Moi, les primes, c'était 5000 francs de mémoire, le peu que j'avais joué. Ah. Ouais. C'est pas grave, tu as peut-être joué mais à ce jeu-là. Mais enfin, depuis, avec l'inflation, ça a dû augmenter, c'est pour ça. Tu as sans doute joué à ce jeu-là. Peut-être. Quel est le jeu vidéo le plus joué de tous les temps? Joué, hein, pas vendu. Hein. Ça revient au même. Ah. Il est dans tous les classements, ce bâtard. Est-ce Minecraft, Tetris ou Wii Sport? Et je vous cache pas que c'est tous des têtes de liste. Hein. Voilà. Le plus vendu, c'est Street Fighter 2. Perdu. Ouais. Ah, il a été battu depuis? Largement. Depuis largement. Je peux te donner le top 3 si tu veux. Ah. Mais bon, il est même pas dedans. Hein. Mais bon. Ah non, pardon. Non, c'est je le donne seulement cher. Le top 3 si non. Ça me rapporte un point. Je viens déjà de donner 3 déjà qui non, sont mais... déjà dans le top. C'est pas comme ça. Ouais, mais c'est pas ça le top 3. C'est lui qui décide. C'est Minecraft, GTA 5, Tetris. Déjà les plus vendus. Ah ouais. D'accord. Non, oui, moi j'ai confondu. Street Fighter 2, c'est le jeu le plus cher en vente unitaire en francs constants. Enfin, ça, en c'est argent... possible. Voilà, c'est ça. Si c'est... on compte l'inflation et tout ça, voilà, ouais, je vois. Il serait vendu aujourd'hui 149 donc, euros. Moi le je jeu... parle pour moi, en je vrai, préfère c'est... celui-là et je joue qu'à celui-là. Tetris, comme ça. En vrai, Minecraft, ça peut être les deux. C'est... Minecraft. Alors techniquement, c'est Minecraft, il explose largement Tetris. C'est pas pour être méchant. Tetris est quand même dans le top 5. Ouais. Mais Minecraft, qu'il il arrive... est dans. Dès que tu cherches un record de jeux vidéo, il est là. Il est dans le top 1. C'est ça. Minecraft ouais, souvent. Par contre, ce que je m'y attendais pas, c'était Wii Sport. Putain, ah ouais. Il est 5ème, du top. Ce que j'allais dire, je crois que c'était 6ème, moi, tu vois, j'allais dire de mémoire. Non, c'est 5ème. Et par contre, ouais, GTA, il est 2ème pour oui. le coup. GTA, c'est le 2ème jeu le plus vendu de tous les temps. Et ouais. GTA 5, même. Donc tu sais quoi, t'as mérité ton point bonus. Océane, t'avais dit? J'avais dit la A. Donc Minecraft ouais. aussi. Minecraft. Eh ben vous savez quoi, ça va être une parfaite égalité, hein, sauf Thierry. Pauvre Thierry. Thierry, tu es notre Jolan de ce soir. Ah non, pas parfaite égalité parce que Daniel a 1, même 1,9. Hein. Donc oui, Thierry a un point, Daniel 1,9. Océane et Kevin ont 2 points. J'aurais dû faire un quiz sur des questions en anglais. Ouais, c'est vrai. Bah peut-être un jour on l'aura. Oui, peut-être, oui. Et là peut-être qu'on sera beaucoup plus mauvais. Hein, ah bah là, moi j'annonce 0 hein, déjà. Comment on dit Canterbury en anglais? Canterbury, yes. Mais non. Canterbury. Ou le mot truth, mais non pas truth, pas vérité, mais T-H-O-U-G-F. Frug. Impossible à prononcer pour un français. En tout cas, au revoir est beaucoup plus facile à prononcer en tout cas. Au revoir est beaucoup plus facile à prononcer. Au revoir. Oui. Mais comme la musique avec. Oui, on va manger des nems à part. La savesse. Nem. Donc on va manger là-bas. On va pas manger, on va aller se coucher nous. Ouais. Donc en attendant, on va vous dire au revoir. Oui. Allez. Oui. Bye bye. Salut, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de cinéma d'action, de tout ce qui est en rapport avec l'action évidemment. Peck Avenger de 21h à 23h tous les jeudis soirs. Soir. Yes. Salut tout le monde. Yes. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.